suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Oh, appelle les pompiers. Oh, appelle les pompiers. Appelle les pompiers. 22h13, c'est Marion et Anso, le Night Show en direct. Et celui qui sera notre invité demain, c'est qui l'équipe? C'est Black M. Black M. Allez, tu veux laquelle? Tu choisis. Alors moi je te dis, je les aime toutes. Surprends-moi Marion. Allez, celle-là est pour toi. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. Amir, tu veux laquelle? Que l'on pense, oui, pour que t'es là. Sur ma route. Ok. 1. Thibaut à l'arrière, tu veux laquelle? Je dirais, en réfléchissant bien, on se fait du mal. Ah, tu me mets dans la merde. Laisse-moi la trouver, ouais. Mais c'est-à-dire que c'est une petite machine à tubes cette histoire. Ah hein. Oh bah le black, il est partout. On l'adore. Bon. Et sachez qu'on lui a réservé des surprises. On a bossé le dossier. Franchement, il devrait être content. À mon avis, il va découvrir des choses qu'il n'a jamais vues dans sa vie. Voilà, ah mais c'est tout ce que je peux sans dire. Déconner, on lui a réservé des surprises de ouf. La ratez pas cette émission demain, vous allez vraiment kiffer. Hein. Et ce soir aussi, vous allez kiffer. Hein. Restez là avec nous là jusqu'à minuit. On parle de cet Indonésien qui a dépassé les 145 ans. Ouais. C'est un truc de malade et pourtant, il n'est pas dans le livre des records. Ils l'ont pas mis, on sait pas pourquoi, mais voilà, il s'appelle Emba Goto, je sais pas comment ça se prononce, et il serait né le 31 décembre 1870. T'imagines? Mais non. Ouais. Et en même temps, je crois qu'il faut postuler hein, pour être dans le livre des records. Hein. S'il dit rien, ils le mettent pas automatiquement. Hein. Et puis, il a sûrement autre chose à foutre que de postuler. Du coup, on voulait vous poser cette question. Quels sont les trucs de yeuf, là, de vieux que vous faites, vous? Même si vous êtes jeune, on va se faire un petit tour d'équipe. Anso, toi, tu disais les expressions de vieux? Ouais, c'est ça. Genre, rouler jeunesse quand t'es en voiture? Non, quand même pas, mais par exemple, quand je monte en voiture, je dis souvent en voiture Simone. Bah, c'est beaucoup mieux. Ou en avant Guingamp, enfin, que des trucs comme ça, quoi. D'accord, Amir, des réseaux sociaux, est-ce que tu fais un truc de vieux? Ouais, je fais un truc de vieux. Moi, je lis souvent un magazine qui s'appelle Les Échos. D'accord. Tout ce qui touche à la thune, lui, de toute façon, c'est toujours. Et surtout, excuse-moi, t'as piqué la personnalité de Mano à l'arrière l'année dernière. Mais ça t'es parle chiant. De thune. C'est hyper intéressant la thune, c'est mon job. Sinon. D'accord. Moi, est-ce que vous voulez savoir mon truc de yeuve? Oui. Ouais, allez. Moi, déjà, je fais des siestes parfois quand je suis trop fatiguée parce que je tiens mal la fatigue. Moi aussi. Et j'avoue, j'ai un truc que j'arrive pas à m'en défaire. Pour parler d'une soupe, je dis le mot bouillon. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est horrible. C'est dégueu. En même temps, c'est pas, tu vois, ça aurait pu être pire si t'avais dit le mot velouté. C'est encore pire. Ah, c'est encore pire. 01-42-48-5000. Appelez-nous, vous aussi, si vous faites des trucs de vieux. Si vous employez des mots de vieux, on parle de ça. C'est Marion et Anso. On est en direct. Le Night Show jusqu'à minuit. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Ouais ouais. Vous m'envoyez un découvert bancaire. Dû à quoi, Caroline? Des soucis, des vacances, des choses comme ça. Des soucis? Ça arrive, ouais. Des fois, tu prends pour 1400 balles de sushis parce que t'as très très faim et tu regrettes derrière. Je te fais le chèque très très vite. Ça arrive chez toi avant la fin de semaine, Caroline, d'accord? Super, ben merci beaucoup. Vous êtes vraiment géniaux, merci beaucoup. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bannure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Bannure. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Aujourd'hui au cinéma. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. Fun. Samedi soir, au club 801 à 3. Let's go. It's Nils Van Zandt on Fun Radio. Retrouvez le DJ Fun Radio Nils Van Zandt en DJ set exclusif. Welcome to Party Fun. Party Fun Club. By Nils Van Zandt. Au club 801 à 3. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Plus de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Merci. Eh, on est même 110 000 les gars. Ah bah faut être précis. Écoutez Marion et Anso le Night Show. It's the Night Show. De 22h à minuit sur Fun Radio. Et on est même 113 000 les gars. Ah, ah oui, alors. Le jingle à jour. Hein. Ouais, bah on va pas faire que ça non plus parce que ça grimpe tous les jours. Mm. On a pas tous fini, les jours, Amir. On fait un nouveau. Oh là là, c'est bon. D'accord, bah tu vas t'en charger, Amir, des réseaux sociaux. Ah, le relou. Bon, vous en parlez il y a quelques minutes. Un Indonésien a dépassé les 145 ans. Il est né en 1870. C'est un truc de ouf, on essaie de retrouver la photo de la personne pour vous la mettre sur les réseaux sociaux. Et du coup, la question qu'on vous pose ce soir avec le hashtag Le Night Show, quel truc de yeuf vous faites au quotidien? Voilà, lâchez-vous, on s'en fout, on juge pas ici. Si vous regardez des trucs de vieux à la télé, si vous vous couchez tôt, dites-nous tout. 01 42 48 5000. Thibaut à l'arrière, on t'a pas demandé, toi, il y a un truc de yeuf que tu fais? Ouais, il y a un truc de yeuf, c'est en gros, à chaque fois que je vais à un concert, il faut systématiquement que j'ai une place assise. Genre, ah bah fausse oui. Interdite. Non, mais moi, c'est pareil, mais c'est parce que je fais 1m50 aussi. Donc, pourquoi? Si je vais dans la fosse, j'étouffe. Ouais, mais. La meilleure ambiance, c'est dans la fosse. Hein. Je suis désolée. Hein. Tu danses, les gens sont à fond. Genre, tu vas dans la fosse. Jamais de la vie. Mais non, mais c'est vrai qu'en général, il y a des gens qui préfèrent la fosse. Mais attends, quand t'es en gradin, tu t'éclates pareil. Hein. Ah mais ouais, mais moi mes potes, ils peuvent être parfois genre dans la fosse. Moi, je reste en gradin. Je les rejoins à la fin du concert. Ouais, ça coûte plus cher aussi, les gars. Hein. Il est quand même spécial, ce mec. Ouais, moi, je suis d'accord avec lui. Bon, Alex de Lille qui nous a appelé. Bonsoir, Alex. Ouais. Salut Marion. Salut Anso. Ouais. Salut Alex. Bah, sois bienvenue. Comment ça va? Ah bah ça va nickel, et vous? Bah très bien, t'as quel âge toi Alex? J'ai 26 ans. 26 ans, et alors est-ce qu'à 26 piges tu fais un truc de vieux? Ouais, je tous les jours faut que je lise le journal, et ma rubrique préférée c'est la rubrique nécrologie. Nécrologie? Ah mais ouais. Mais pourquoi tu fais ça Alex? Parce que moi j'ai un peu tendance à faire ça aussi. Je sais pas, je regarde parce que j'aime bien savoir qu'est-ce qui est mort. parce que mon père le fait toujours, et voilà. J'ai pris cette habitude-là. Mais moi, mes parents le font parce qu'ils sont dans l'âge où ils connaissent des gens qui vont mourir, en fait. Donc, en fait, ils vérifient si c'est pas des gens qu'ils connaissent. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois? Mais moi, je ouais, le fais. Mais peut-être que je les connaîtrais, peut-être que je pourrais dire à mon père, ah tiens, t'as pas vu, lui, il est mort. Tu le connais? Mais oui, mais c'est pas censé te faire plaisir, ça, quand même. Il a l'air content. Non, mais voilà, c'est comme ça. Ok, donc toi, tu lis le journal et une rubrique Exactement. En particulier. D'accord. Exactement. Écoute, bon. Alex, on t'embrasse, jeune psychopathe. Merci de nous avoir appelé. Ouais, moi aussi, je vous embrasse, Epic. On t'embrasse. Bisous. Salut. On a Coralie aussi. Coralie, elle habite à Varangeville. Bonsoir, Coralie. Salut Marion, salut Anso, salut tout le monde. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Eh les gars, ça va là? Les bacs derrière, je rêve. Enzo et Amir, quoi. Ça va, Coco? Oui, ça va, et vous? Ouais, t'as 15 piges, toi? Ouais. Ok, alors quel truc de yeuf tu fais? J'aime trop regarder des chiffres et des lettres. Non. La honte. Bah si. Non mais ça c'est chaud quand même Coralie, hein. Faut pas le dire. Bah oui, mais je sais pas, c'était mon grand-père regardait, du coup bah voilà, maintenant j'adore, ouais. Et dès que j'ai le temps, je regarde et voilà. Non mais Coralie, autant moi c'est vrai que j'avoue regarder Plus belle la vie en replay, ouais. Mais autant les chiffres et des lettres, faut le garder pour soi ça, Coco. Hein. Ouais, ça, ouais bah ouais, mais bon voilà, mais j'adore ça, je sais pas, voilà. Mais tu sais qu'il y a plein de jeunes qui regardaient aussi à l'époque Question pour un champion. Ah avec ouais. Le père, c'est tout. Mais moi, ça me saoulait parce que je pouvais répondre à aucune question. Moi aussi, je comprenais pas comment ils faisaient. Non, moi, le truc que j'aime bien regarder, c'est les 12 coups de midi quand j'ai le temps. Ah oui, c'est trop bien. Ouais, c'est un peu pour les yeuves, mais franchement, j'aime bien. Ça me fait rire avec le champion. Et le champion, attends, en mais ce le moment. Le champion, en ce moment, il est ouf. Il est là depuis. Attends, j'ai regardé fin 1000 ans. Il était là. Il est toujours là, le gars. Il est là depuis 1000 ans. C'est un taulier. Et franchement, il est trop bon. Et puis en plus, il est prof. Et il est, je crois, à 200 000 euros. C'est un truc de malade. Bon, on est beaucoup trop fans. C'est angoissant. Ma Coralie, est-ce que tu fais d'autres trucs de yeuves? Non, à part ça, non, je crois pas. Bon, bien tu sais quoi, puisque tu as 15 piges, je vais te garder sous la main, est-ce que tu es prêt à jouer avec nous? Ah bah oui, pas de soucis. Je vais te poser des questions, ça s'appelle questions de génération. Okay. Ce sont des questions qui concernent des générations un peu plus anciennes. Normalement, tu ne connais pas, on va tester ta culture, ok? Oula, ok. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une Game Boy? Oui, quand même. Alors c'est quoi? C'est les petits jeux, là, les trucs, les... Comment ça s'appelle? Une les console. Jeux, j'en ai une, les Game Boy Color. Ouais, ah c'est ouais. Une console des années 90. Tu sais que moi j'ai vu la première et je l'ai toujours. Elle marche bien. Ah, t'en as une, Coralie? Ouais, une verte que ma sœur elle m'a redonnée évidemment, mais j'en ai une. D'accord. Est-ce que tu sais quel objet est un 3310? Oula, non. Eh bien, c'est un téléphone, le Nokia, qui permettait de faire le jeu Snake, la vie. Ouais, c'était mon premier téléphone. Ah, ouais. C'était le premier téléphone de plein de gens. Ouais, je sais, ouais, merci. Amir, toi qui t'y connais bien niveau technologie, est-ce qu'ils ont ressorti le jeu Snake là pour les nouvelles générations ou pas? Bah, en fait, il existe toujours sur l'App Store, il existe. Après, il a un peu évolué. C'est pas la même chose, hein. Tu peux le retrouver comme à l'ancienne. D'accord. Coralie, troisième question. Sur quel réseau social pouvait-on entendre ça? Ouais. MSN. Bien joué. Attends, mais c'était quoi ça? C'est le Wiz. Ah oui. T'avais ta fenêtre qui bouge. Ah ouais, mais même moi, je m'en rappelais plus, tu vois. Mais t'as connu, toi, Coralie, à MSN, si ? Et pas d'amis. Bah si, je crois que j'ai... Si, j'ai eu au tout début. D'accord, ok. Est-ce que t'as connu MySpace ? My quoi ? MySpace. Attends, parce que Marion l'a dit avec un tel accent. MySpace. Ouais, non, je crois pas, ça ne dit rien. Je l'ai un peu francisé, mais bon, MySpace, quoi. Ok, non. Et ben en fait, c'est l'ancêtre de Facebook, tout ça. Enfin, ah, bref. D'accord. Truc de Yav. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un minicum ? Wow. Oh là, c'est non. C'est très très dur. J'ai pas connu, moi. On a une vérif sonore ? Ouais. Je suis Nag. Moi c'est Coco. Moi c'est MC. Moi Jojo. Je m'appelle Vanessa, y'a rien qui prenne. Moi c'est Diva, comment ça va ? Si on a squatté la télévision. C'était génial. Non, moi ça me faisait peur en vrai. Oh là. Mais j'ai pas connu, moi. Les minicums ? Non. Franchement, c'est culte. Allez voir sur internet, y'a des vidéos qui traînent forcément encore. C'est marrant. Ouais, moi ça me faisait peur, voilà. C'est pas les espèces de poupées bizarres, là ? Ouais, si, crois, c'est un peu comme les guignols. Ah, ça fait trop peur. Oui, ça fait trop peur, j'aime pas ça. Cinquième question, Coralie, qui chantait ça ? Je sais pas, je connais la musique, mais je sais pas. Mais non ! Ah non, mais c'est un truc de ouf ! Ah, c'est un boys band connu. C'est les To Be Free, chérie. Ils avaient, ils avaient même une série sur TF1, j'étais fan. Ah bon ? Ouais, ils avaient une série, on les voyait dans leur salle de sport, draguer des meufs et tout. C'était une série très, très, très, très, très évoluée. Ah, j'ai connu vers la fin. Oui, Thibaut, à l'arrière. En fait, tu kiffes juste toutes les séries de merde, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça, merci. Tout à fait, Anso. Sur quelle chaîne pouvait-on suivre les émissions de Charlie et Lulu, Coralie ? Est-ce que tu sais ? Oh non, j'en ai aucune idée. Charlie et Lulu, c'est à l'ancienne. En plus, on revoit des extraits du Hit Machine. C'était M6 à l'époque, c'était Chamé. Qui sont Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphaël ? Je sais pas. Ah non ! Mais il y a un film. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, Coralie, au ciné. Non, pour de vrai, je sais pas. Les Tortues Ninja ? Ouais. Putain, c'est ouf, t'imagines 15 piges ? Bah c'est normal. Bah ouais, c'est normal, mais les Tortues Ninja, ça a été ressorti quand même, tu vois. Ouais. Attends, mais on va pas l'engueuler, la pauvre. Bah non. Oui, mais non, en plus, tu sais ce que c'est qu'une Game Boy, c'est déjà pas mal. Voilà, quand même. Écoute attentivement cette pub, Coralie. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocs en Suisse. Alors oui, je patiente. Trois d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Quel animal est Maurice ? Un poisson. Ouais, bien joué. Ouais, bah, elle est sortie partout, cette pub. C'était elle trop mignon. Elle est reprise. Ça a au moins 10 piges, ça, non ? Ouais. Pff. Trop mignon. De quelle série est issu ce générique ? Ouais. Malcolm. Bah oui. Ouais. Bah oui. Ça passe encore. Ouais, mais ça a 15 piges, ce dos. Enfin, peut-être pas 15 piges, mais au moins 10 ans. Moi, j'ai revu une photo du petit dans Malcolm. Je sais pas comment il s'appelle. C'était Dewey. Dewey. Ouais. C'est devenu. En fait, il a la même tête. Ouais. En version adulte. Ouais. Mais il est grand maintenant, mais vraiment. Ouais. Je comprends pas qu'il fasse pas plus de films et tout parce qu'il est énorme, ce comédien. Moi, ah, mais il fait plein de films. Hein. Il faisait la danse du poupipou et tout. Ouais. C'était trop mignon. Il fait plein de films, mais par contre, aux États-Unis. Ah oui. Bah. Genre l'équivalent de Plus belle la vie, tout ça là-bas, quoi. Ouais. Et si on le faisait venir dans l'émission, ce serait pas fort ? Ah ouais. En kiff, moi. Oui. Peut-être que je me suis un peu lâchée. Ouais, là, ouais. Me dites, hein. On va y réfléchir, Anso. Bon, Coralie, en tout cas, c'était pas si mal. Une bonne réponse sur 9, c'est bien. Non, j'ai trouvé Malcolm, mais le poisson, quand même. C'est fort. C'est fort, Coralie. Bon, on peut lui envoyer un pack fun et un agenda fun radio. Bien sûr, on t'envoie tout ça. Bisous, ma chérie. Merci de vous avoir appelé. Merci, gros bisous. Je vous aime fort. Bisous. On a Julien aussi qui a 18 ans. Bonsoir, Julien. Bonsoir, les filles. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Tranquille. Bon, Julien, rassure-moi. Est-ce que tu connaissais les minicums, toi ? Non. Bon, bah ça m'étonne pas finalement. Ouais, 18 ans. Hein. Dis-nous, c'est quoi le truc de Yeuf que tu fais ? Moi je joue à la belote. Ah, moi aussi. Alors moi je comprends rien aux règles de la belote. Moi, je comprends rien non plus. Autant je maîtrise hyper bien le rami, mais la belote, je ne capte rien. Le rami, c'est quoi le rami ? Trop bien le rami, c'est un peu compliqué à expliquer, faut jouer avec deux jeux de cartes, faut faire une suite, une tierce franche, tout ça. Ah, je connais absolument c'est un pas jeu tout de ça. Aussi. Mais la belote, c'est hyper cool, il y a un peu de stratégie, t'es en duo, moi j'aime beaucoup aussi. Mais c'est un truc de vieux, ça je vous confirme. Oui, bah oui, mais bon, c'est le sujet du soir, donc Après ça dépend Julien, est-ce que tu fais des tournois par exemple ? Non. Oui. Ah oui. Ah oui, non, moi je suis pas à ce niveau-là. Et par contre, est-ce que tu sais qu'il y a une application belote ? Oui, j'y joue. Ah bah d'accord. Excuse-moi. Ah ouais, donc on est vraiment sur un fan quoi. Un passionné quoi. Ouais. Et t'es de quelle région ? Pays de la Loire. Ah bah oui. Eh mais mon gars, mais si je passe par Angers, il faut qu'on se fasse une belote ensemble. Ouais. D'accord. Mais Julien, tu vois, Coralie est partie avec son pack fun, toi tu pars avec une partie de belote avec Marion, c'est pas mal. Pas mal. Julien, très bien. Il a l'air très content, Julien, en tout cas. On te repasse le standard, bichon, on t'embrasse. Moi aussi. Bisous, il y a Kevin aussi à La Rochelle. Bonsoir, Kevin. Salut les filles, ça va? Oui, ça va et toi? Moi ça va super. T'as quel âge toi? Moi j'ai 17 ans. 17 ans, et alors qu'est-ce que tu fais comme truc de vieux? Bon, bah, j'en fais pas mal, mais je pense que le truc que je fais tous les soirs, c'est enfiler mes charentaises. Ah, t'as des chaussons? Ouais, j'ai des chaussons en charentaise. Oh, c'est mignon. Bon, c'est vrai que ça fait yeuve, mais c'est mignon. Tu mets pas de chaussons chez toi, toi? Non. Oh. C'est surtout qu'après, ça sent des pieds, donc c'est pas pratique. Et est-ce qu'elles sont genre molletonnées, bien dégueulasses, bien épaisses et tout? Ouais, mais surtout après l'été, donc là, il va falloir que j'y songe. Non, mais le principe de la charentaise, c'est qu'elles restent pas molletonnées toute leur vie. Hein. Ah bon? Bah, à force de marcher dedans, le molleton part, en fait. Excuse-moi, la spécialiste de la charentaise. Non, c'est vrai. Ça devient plus du tout confortable, en vrai. D'accord. Mais c'est chiant, en fait, le chausson. Hein? Ouais. Qui met des chaussons chez lui dans cette équipe? Thibaut à l'arrière. Non, moi, je suis pas chausson, je suis pieds nus, quoi. Moi aussi. Ouais, moi aussi, pieds nus. Enzo, au standard, toi, t'as une tête à chausson? Ouais, carrément. Chausson, en plus, c'est Homer Simpson. Oh là là. Oh, le cliché, quoi. Oh, nul, pourri. Bon, Kevin, on t'embrasse et on embrasse tes charentaises. Pas de problème, mais j'en passerai. Mais de loin, parce que franchement, ça pue un peu. Ouais, ben on a bien compris. Hein. On t'embrasse, bisous. Bisous. Amir, sur les réseaux sociaux, Est-ce qu'on a de la réaction avec le hashtag Le Night Show? Et comment qu'il y en a? Hashtag Le Night Show, pour me donner directement vos réponses. Il y a Love MM Tour qui dit: j'adore faire des puzzles. Ouais. Ah, moi aussi, j'aime bien ça, tiens. Céline, moi, mes soirées préférées, c'est les soirées années 80. Mm-hmm. Quand je m'énerve, je dis: tu m'enquiquines. Et faut pas pousser mamie dans les orties. Okay. Cassandra qui dit ça. Ouais. Constance Coco, moi je n'écoute aucune chanson créée après 1992. D'accord. Et puis il y a Kestine 32, quand je fais l'amour à ma meuf, je l'appelle maman. Oh non, mais ça c'est pas un truc de vieux. C'est dégueulasse. Bah, c'est un truc de personne qui va pas bien psychologiquement quand même, non? Ah, je sais pas, écoute. Oh, ça me dégoûte. On a Johan aussi qui nous a appelé. Bonsoir Johan. Bonsoir. Ça va Johan? Ça va et vous? Ouais, très bien. Quel truc de yeuf tu fais toi? Ah ben moi, je suis le vieux par excellence, mes potes m'appellent papy, donc... Pourquoi? Bah parce que en fait, quand je rentre du boulot, c'est obligatoirement Journal des Amours. Oh non, c'est horrible. Je mange devant le journal de TF1. Ouais. Je fais ma sieste, après ma sieste, obligatoirement une tisane. Oh non. T'as Johan, tu nous fais la complète, là. Mais attends, mais... Tu travailles? Ouais, je travaille, ouais. Mais quand t'as une chérie, comment elle vit ça, en fait? Très mal. Bah, j'imagine. Et elle me force à me bouger le cul le week-end, donc voilà. Mais qu'est-ce qui te plaît dans ces programmes, genre les amours, les trucs à la con comme ça? Ah ben c'est que quand tu rentres du boulot, t'as pas envie de prendre la tête, tu regardes ça, c'est trop sympa à après, regarder, voilà. Je peux comprendre Yoann, parce que moi ça m'arrive aussi de regarder le JT de TF1 le midi. Ouais. Et ben c'est toujours, t'as toujours quand même, t'es quand même content de savoir qu'il y a une foire au Santon en France, tu vois. Et c'est vrai. Moi JT j'aime bien, et j'aime bien leur truc grand reportage. Ah non, oui, c'est après ça. Ouais. Mais c'est samedi surtout, ça n'a absolument aucun rapport. Ok, d'accord, on parle de la semaine alors, vas-y. Mais surtout, c'est pas un truc de vieux, parce que grand reportage, pour le coup, c'est hyper bien fait pour les jeunes, je trouve. Ouais, j'avais envie de parler. Retourne sur les réseaux. La semaine, c'est ce qui est magnifique, c'est visiter les coins corrects perdus. Mais voilà, c'est ça, Johan. Putain, mais tu sais quoi, j'ai envie de te prendre par la main et t'emmener faire le tour du monde. Oh non. Il n'y a pas de souci, bon. Bon, bah d'accord. Mais écoute, si on passe le standard, on se cale ça. Hein. Très bien. Je t'embrasse, Johan. Bisous. Bisous. Est-ce qu'on demande à Pépère s'il fait un truc de yeuve dans sa vie ou pas? Mais il est déjà yeuve. Bah, dis-nous. Eh oh, toi, déjà, j'ai que 57 ans. Mais bah, Pépère, lui, des fois, il va dans les maisons de retraite. Hein. D'accord, et pourquoi faire? Bah, pour se faire sucer par des mamies. Ah, oh. Bah oui, vu qu'elles ont plus de dents, en plus, ça fait jouer plus vite. Ouais, ça fait une espèce de... C'est bon. Ça. Tu veux rajouter un truc, Pépère, là? On oui, a pas je veux rajouter deux trucs, même. Non. Bah, oui, si. Vas-y. 01 42 48 5000, on fait de la radio ensemble. Il y a le Wesh Seki qui débarque dans un instant, juste après Cachemire. Vas-y, Pépère. Bah, je me suis fait bolos, là, donc j'ai plus rien à dire. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Thank you. try right. You're addicted to the rush. Stop looking for your queen and sip on Jack instead. I'm here to run the tables. Oh, how dare you call my bluff? See, I'm irresistible, kind of unpredictable. Bet you want some action, baby. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. Nous formons la plus grosse bande de potes de France. Bon, peut-être pas la plus grosse, mais... en fait qu'on est 10, mais... mais non, mais tous ensemble avec tous les auditeurs. Ah oui. Et justement, en tant que l'une de vos meilleures amies, je me dois de vous partager cette info. Oui. Après plusieurs années, quelqu'un revient. Qui donc? Colonel Rayel. Oh merde. Qui partage ta vie. Ouais. Qui tu te confies. Il revient, c'est-à-dire. Colonel Rayel a annoncé son retour sur le devant de la scène, les copains. C'est fou, ça. D'accord. Quand tu dis scène, on est d'accord, tu parles du fleuve. Hein? Malheureusement, non, Marion. Wesh, c'est qui? Wesh, c'est qui? Wesh, c'est qui? C'est le tout nouveau jeu du Night Show qui est très très simple. On vous donne 6 stars. Oui. 6 stars que vous devrez faire deviner à papa ou maman. Sur les 6 stars, il vous faut 4 bonnes réponses à faire deviner en 1 minute. Et si vous y arrivez, vous gagnez votre casque DJ ce soir. C'est quand même cool. Bah, c'est hyper sympa, ouais. Alors forcément, avec le stress, bon, bah, c'est ça qui rend un petit peu le jeu un peu cocasse, quoi. Hein. voilà, on rappelle toujours aux curieux qui se disent « Ouais, mais il y a de la tricherie ». Il n'y a pas de tricherie, puisque pendant qu'on vous a au téléphone, nos standardistes occupent papa ou maman. Comme ça, personne n'entend rien. Voilà. Exactement, et c'est Antoine qui joue avec nous. Alors Antoine, il vient de Port-Mort. Bonsoir. Allô Antoine. Bonsoir Mario Enzo. Comment ça va, Port-Mort? Bah, ça vient très bien, et vous? Mais alors, non, c'est où Port-Mort? Alors, c'est à 30 minutes d'Évreux. Ah, le 27. D'accord, et alors t'es pas venu nous voir la dernière fois quand on est allé à Évreux? Non, je pouvais pas, mes parents ils étaient pas là. Et bah c'est pas grave, au moins on t'a ce soir en ligne. Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans et tu veux jouer avec qui, papa ou maman? Papa. Ok, en général les papas sont plutôt pas mal, ils gèrent mieux le stress. Oui, j'ai remarqué. Hein? Ils s'appellent comment, papa? Je peux vous poser une question d'abord? Oui. Bien sûr. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors dis-nous, bichon, comment il est, papa? Ça va, il connaît bien. Il connaît bien. Je te cache pas qu'on s'est concerté avec Enzo, on a des noms pas très faciles ce soir. Oui. Ça risque d'être difficile, mais je te sens bien, Antoine. D'accord. Comment il s'appelle, papa, vite fait? Alors, il s'appelle Jean-Hugues. Ok, alors on va te donner les stars à faire deviner à Jean-Hugues, Antoine, d'accord? Ok, je les marque. Alors, on commence avec le youtubeur Norman. Norman, d'accord. Oh, Kim Kardashian. Kim Kardashian. Il est dur, oui, celui-là. Hein. Le chanteur Nekfeu. Nekfeu, oula, oui, ça va être dur. Mais après, tu peux faire deviner, tu sais, en expliquant bah, le début du nom, c'est ça, la fin, c'est ça, tu vois, t'es pas obligé de dire c'est un chanteur, tu vois? D'accord. Trouve des stratégies. Après, il y aura Christophe Beaugrand, Antoine. Ok, Christophe Beaugrand. M. Oui. Pokora. Oui. Et Jon Snow. De Game of Thrones. M. Pokora. Ouais. Et Jon Snow. Jon Snow. Ok. Ok, il t'en faut 4. Et c'est dans l'ordre que je veux? Oui. Tu D'accord. peux passer, s'il y en a que tu sens pas, tu les passes. Tu dis ce que tu veux, t'as une minute, ok? Ok. Allez, on accueille Jean-Hugues avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Hugues. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Attendez, mais Jean-Hugues, papa hyper cool, vous écoutez l'émission? Oui. Ah, ça c'est frais, ça c'est cool. Jean-Hugues, vous connaissez le principe, Antoine va vous faire deviner 6 stars, il vous faut 4 bonnes réponses en 1 minute pour gagner le casque DJ. D'accord. Ok? Allez, okay. C'est pas facile, il faut vous concentrer, est-ce que vous êtes prêt Jean-Hugues? Oui. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Alors Papa Wesh, c'est qui? C'est un youtubeur, il a un chat noir, il s'appelle Sergi, il vient souvent dans l'émission, il a les cheveux frisés. Norman. Oui. Oui, oui. Alors c'est une fille aux États-Unis qui est connue par sa famille, elle a des grosses fesses. La famille Kardashian. Oui. Kim Kardashian. C'est bon. Oui. Le troisième, c'est un rappeur français. C'est un rappeur français. Il chante On verra. C'est dur ça. Passe. Vite, papa. Nekfeu. Oui. Le quatrième, c'est le présentateur de Secret Story. Christophe Beaugrand. Ouais. Sinon il y a il vient de sortir une chanson il vient de sortir une chanson, il a repris Claude François là il y a pas longtemps. Pokora. Oh là là. Oui. Et le sixième c'est il joue dans Game of Thrones, tu sais, Game of Thrones. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé, mais on a quand même de la bonne réponse. Alors franchement, je suis épatée sur Nekfeu. Moi aussi. Soit on était sur du Wikipédia rapide, soit il est très fort. Non mais j'écoute souvent dans la voiture. Et franchement, ça fait quoi, Thibault? Il reste 5 bonnes réponses. Ouais. Eh ben les gars, bravo, c'est gagné. Ouais. Super. Ah ouais, bien joué. Franchement, très fort, papa. Hein. Bien joué, Antoine. On t'envoie ton casque DJ et Jean-Hugues, vous repartez avec tout notre amour. Ah, c'est gentil. On vous embrasse les deux. Merci, bisous. Allez, merci. Ciao, ciao. On vous attend pour les prochains Wesh, c'est qui? Le prochain, ce sera dimanche d'ailleurs. Marion et Anso, @funradio.fr pour vous inscrire. Et dans quelques minutes, on va parler de nous, Anso. Oui. Parce que nous, parfois, on reçoit des punchlines sur les réseaux sociaux. C'est un truc de malade. Je vais juste vous dire, la dernière que j'ai reçue, elle me fait marrer. J'ai lu, t'es belle pour une moche. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça hyper sympa et ça nous a inspiré. On s'est dit, on va parler des meilleurs ou des pires punchlines que vous avez fait ou que vous avez reçus comme ça. Alors, moi, j'en ai reçu une énorme, mais vraiment une énorme. Elle est terrible, elle est terrible. 01 42 48 5000, on fait de la punchline dans un instant sur Fun juste après Martin Solveig. 42, c'est Marion et Anso. Il y a le Pourquoi tu m'appelles là qui va débarquer pour gagner vos casques DJ 01 42 48 5000. On va aussi se faire du Je te demande pardon tout à l'heure. Alors si vous débarquez là, si vous découvrez l'émission, le Je te demande pardon, c'est simple. On vous permet en fait de vous excuser en direct à l'antenne devant tout le monde une connerie que vous avez fait. J'ai l'impression que tout était dans le titre, hein, globalement, Marion. On ne sait jamais, Anso. En tout cas, nous on est là pour vous aider. En plus, on vous offre vos billets d'avion pour partir à Londres, histoire de sceller la réconciliation comme ça. C'est plutôt sympa. Donc pareil, même numéro pour vous inscrire. De toute façon, c'est toujours le même, 01 42 48 5000. Et puis on voulait parler de punchline avec vous parce qu'on en reçoit pas mal avec Marion. Bon, toi tu le disais il y a quelques instants, Marion, t'avais reçu un truc genre t'es belle pour une moche. Ouais, j'ai adoré, en fait j'avais posté une photo de moi. Et bon bah souvent il y a de très gentils commentaires et puis des méchants commentaires, mais bon c'est pas grave, ça fait toujours marrer. Et il y en a un qui m'a fait rire pour le coup parce que c'est une vraie punchline. Et il m'a mis cette phrase, hein, t'es vraiment belle pour une moche. Donc j'ai trouvé ça bien trouvé, voilà. Ouais mais c'était plutôt marrant. Oui, je pense que c'était sur le ton de la vanne, d'ailleurs j'ai répondu, donc je lui en veux pas, et puis j'aime bien. En fait, quand c'est réfléchi, quand il y a du sens, ça me plaît quand même, même si c'est méchant. Alors moi j'en ai reçu une qui n'a absolument aucun sens, et qui est quand même pas très cool, et c'est Jules qui me l'a envoyé sur mon Instagram. Il m'a mis « Tes fesses, elles sont tellement grosses, Anso, que ton boule est même trop gros pour un mammouth en érection. » Oh non. Donc on peut dire quand même que c'est une énorme punchline que j'ai mangée, quoi. Ouais, mais tu vois, ça c'est une punchline que tu peux faire que par écrit parce qu'à l'oral, c'est trop long. Oui, ouais. Mais en revanche, cher Jules, il faut savoir écrire mammouth. Parce que ouais. Mammouth, ça s'écrit pas M-A-M-O-U-T-E-S. Voilà. Hein. Ça n'existe pas, un mammouth comme et ça. Et cher Jules, son cul n'est pas si gros que ça. Elle mincit de jour en jour et elle est radieuse. Voilà. Oh bah, au moins ça, disons. Bah oui, bah beuh. Du coup, venez nous raconter vos punchlines, vous, là. 01 42 48 5000. On a Ludo à Amiens qui est avec nous. Bonsoir, Ludo. Salut. Bonsoir. Salut les filles, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Bon, alors dis-nous, est-ce que toi, tu as mis une punchline de ouf ou est-ce que t'en as reçu une? Ah oui, alors là, j'ai cassé mon pote. Alors, si vous voulez, mon pote, il c'est un peu aisé, hein, on va dire. Et il avait une copine avec qui il lui offrait tout ce qu'elle voulait. Et je me suis dit, un jour, je lui sortirai la phrase d'un rappeur. Donc, je lui ai dit, le jour où elle l'a quitté, j'ai dit, ta meuf en or t'a plaqué pour bronzer avec ton argent. Ah ouais. Ah, tu veux dire qu'en fait, elle profitait de lui? Ouais, voilà, j'ai profité de lui. Et le jour où elle l'a quitté, je lui ai sorti ça, par message. Alors, c'est pas mal, mais si je puis me permettre, c'est pas de toi. Ah bah non, c'est d'un rappeur. Ah mais oui. C'est pas grave. C'est qui? Bonne question, je sais pas. Je l'avais trouvé, je l'avais noté parce que je me suis dit... Ah, le mec, il est préparé à l'avance. D'accord. Et redis-la. Alors, ta meuf en or t'a plaqué pour bronzer avec ton argent. D'accord. Eh bah écoute, ouais, c'est pas mal, mais c'est méchant pour le poteau quand même. Ouais, mais bon, c'est le meilleur ami, il le prend bien. Ouais, il le prend bien, mais bon. Il a retrouvé une meuf depuis ou pas? Non. Non, il rigole en plus. Et toi, est-ce que tu as une meuf? Oui et non, on va dire. C'est compliqué. Vous connaissez ça? Pourquoi? Ah bah merci, c'est sympa, Ludo. C'est vrai qu'on est dans des relations compliquées. Pourquoi c'est compliqué? Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop si ça pousse un plan cul ou autre chose, en fait. D'accord, un mais plan t'as, cul, mais t'as 16 ans, Ludo. Oh. Alors, il n'y a pas d'âge pour ça. Bah, quand même, les gars, je sais pas. Bah, si, plan cul, c'est un truc de plus vieux, ça, à la vingtaine, mais 16 piges, non, t'as des relations. Ah non, bichon, non, il faut que ce soit ta meuf, sinon tu la quittes, mais pas de plan cul. Ludo, enfin, moi, tu vas les vérifier. Et tu mets des capotes quand même, Ludo, hein. Mais oui, ne vous inquiétez pas. Ouais, ouais. Bon, c'est bien. Et cherche des punchlines que tu écris toi-même, c'est les meilleurs. Oui, la prochaine. Bon bah on t'embrasse, petite chaudasse. Allez, bisous. Bisous à toi, Ludo. Appelez-nous vous aussi, 01 42 48 5000. Venez nous raconter les punchlines que vous avez reçues ou que vous avez dites aussi, ça marche. Hein. Voilà, on aime bien celles qui sont bien trouvées mais pas trop méchantes. Marion et Anso, le Night Show, on est en direct jusqu'à minuit. Venez, on fait de la radio ensemble. Diplo, DJ Snake, Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez de double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber! À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio, le son dance floor. 3228, service payant, 50 centimes d'euros par minute plus près d'un appel. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Événement Fun Radio. Dimitri Vegas, Like Mike. Bringing the Madness. Les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace. Put your hands up. Le meilleur duo de DJ au monde emmènera son Madness à Anvers, en Belgique, à 4 reprises. Info et tickets via livenation.be. Dimitri Vegas and Like Mike au Sport Palace d'Anvers avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. Et on parle des meilleurs punchlines là sur Fun Radio, il est 22h50, appelez-nous 01 42 48 5000, ça marche aussi avec le hashtag Le Night Show et justement celui qui gère ce hashtag c'est Amir. Amir, est-ce que tu as une punchline qui t'a marqué toi? Je sais pas si je peux la dire. Pourquoi? En fait c'était un de mes meilleurs potes qui l'avait balancé à un de ses plans à l'époque. Bah vas-y dis, si c'est pas de toi ça passe. Ok, il lui avait dit c'est chelou, t'es pas une cochonne mais ta schneck elle pue le sanglier. Oh non, oh, oh la vache. Oh mon dieu. Mais comment tu peux dire ça à quelqu'un? Ah bah j'en ai aucune idée, je n'étais point présent sur le moment. Attends. Est-ce que c'est le même pote qui avait Momo? Non. Est-ce que c'est le même pote qui avait fait un... un cunni à une meuf? Ouais, avec pendant son qu'elle avait ses règles. C'est ça? Ouais. D'accord. Attends, il a dit t'es pas une cochonne mais ta schneck elle pue le sanglier. Mais c'est dégueulasse, ouais, c'est hyper humiliant, c'est chelou, pour une meuf. T'es pas une cochonne mais ta schneck elle pue le sanglier. Il faut pas dire des trucs comme ça hein. Non mais il m'avait... Non, bien sûr que non. Mais attention hein, il avait 17 ans ouais. C'était à l'époque. Et surtout il m'avait raconté que bah... Oui c'était la cata quoi. Oui bah il faut ouais, pas enfin, le dire voilà. Ça excuse pas tout quand même hein. Non, ne faites pas ça, c'est méchant, c'est humiliant pour les filles. Bon, je vous ai trouvé des punchlines de stars. Est-ce que vous êtes chaud pour jouer? On y va. Personne ne regarde les réponses, c'est le qui a dit quoi. Je vais vous les citer, vous allez essayer de trouver la star. Qui a dit je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie? Oh, c'est un truc de télé-réalité ça, c'est obligé. C'est un truc dans Les Anges ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est sûr. Tout le monde dit ça. Télé-réalité. Mais pas du tout les gars, c'est la fouine. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Jalousie. Ah mais je savais pas qu'on parlait aussi des titres de musique et tout. Mais je crois que effectivement Nabila l'avait peut-être repris. Ouais. Mais ça vient de Lafouine. Qui a dit les aigles ne volent pas avec les pigeons? Ça, c'était la réalité. Ouais, mais qui? Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Alors déjà, je sais pas. Oh, c'est culte. Mais attends, et c'est quelqu'un de très connu dans la télé-réalité. Oui, Nabila. Thibault. Oui, ouais. Nabila, ah ouais, évidemment. Qui a dit je suis arrivé comme un roi et je repars comme une légende? Zlatan. Le pote d'Anso. Mon poteau. Aïe aïe aïe. Ouais, ouais. C'est vrai qu'elle l'a vu à LA. Et franchement, il a la classe. Qui a dit casse-toi pauvre con? Sarko. Sarko. Ah, oui. Ouais, Sarkozy, ça avait fait un scandale à l'époque. Ouais. Ça, c'est pas vraiment une punchline, hein, c'est plus un truc méchant. Qui a dit si tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur les genoux? Ouais, on l'a. On l'a, ça. Ouais, on l'a, ouais. Si tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux. Alors, qu'on aime ou qu'on aime pas, Booba, il a quand même des punchlines. Ah, bah, moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. Hein. Il vend du disque. Hein. Moi, j'aime bien. Qui a dit une noisette, je la casse entre mes fesses, tu vois? Mais c'est pas du tout une punchline. Bah, si. Je sais pas. En fait, si, quand tu vas savoir qui c'est, une noisette, je la casse entre mes fesses, tu vois? C'est un rappeur? Non. Vincent McDoom? Non. Non, c'est Jean-Claude Van Damme. Ah, ouais, oui, en gros, je fais ce que je veux avec mes fesses, tu vois. Enfin bref. D'accord. Qui a dit votre amour me rend fort, votre haine me rend invincible? C'est Anso, ça. Elle est belle, celle-là. Non, non, c'est pas moi. Bah si, les gars, c'est culte. Ah, c'est qui? C'est télé, sport. Votre amour me rend fort, votre haine me rend invincible. C'est un mec dans le sport. Cristiano. Bah oui, c'est Ronaldo, évidemment. Ouais. Ah bon? Ah, mais c'est sûr, il n'y a que lui qui peut faire. Il n'y a que lui et Zlatan qui peuvent dire des trucs comme ça. Bien sûr, mais Zlatan, c'est un tueur. Ouais. Et d'ailleurs, et franchement, cette émission, elle est pour lui. Zlatan, tu nous écoutes tous les soirs. Appelle-nous. N'importe quoi. Il y a Mathieu à Dijon qui est avec nous. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Arjo. Bonsoir, toute l'équipe. Salut. Bonsoir, Mathieu. Comment ça va? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. T'as l'air tout jeune, toi. T'as quel âge, bichon? J'ai 15 ans. T'as 15 ans et est-ce qu'à 15 ans tu sors de la punchline? Ouais, j'en ai pas mal là, que je sors quand quelqu'un me fait chier. Ah bah dis-nous. En fait, bah du coup, quand quelqu'un me fait chier, bah je lui dis, en fait, je mets ma main devant son visage et je lui dis, miroir, miroir, tout ce que tu diras de toute façon reviendra vers toi. Et c'est nul. C'est de la merde. Non, non, ça c'est pas bon du tout ça. C'est exactement comme si tu disais c'est celui qui dit qui est ou tu vois. Non mais quand... ça va pas du tout ça. Attends, parce que moi quand j'étais jeune enfin quand j'étais petite genre en primaire, moi aussi quand on me disait un truc je disais miroir, mais quand j'étais en primaire, pas à 15 ans. Bah oui. Enfin, écoute, attends parce qu'il est vexé là. Mathieu, il y a en tout cas tu nous as tué Yannick au standard. Non mais Mathieu, est-ce qu'elle marche vraiment cette punchline? Bah généralement les gens ils ferment leur gueule et ils dorment. Ah oui, mais alors à mon avis ils ferment leur gueule mais pas pour les bonnes raisons, tu vois, c'est plus pour se moquer de toi. Ouais, voilà, c'est plus ça. Ils sont gênés. Non, il faut passer à autre chose là. T'es grand maintenant, on oublie tout ce qui est miroir magique. Ouais, mais moi tu m'as fait rire en tout cas. Ouais, ouais, moi aussi, franchement t'es frais. T'es un bon. Mathieu. Mathieu, on t'embrasse. Merci. Oh, non mais t'es frais Mathieu, hein. Bah ouais. On fait pas le mot quand même. Mais écoute, on te passe Yannick au standard, il est fan de toi. D'accord. Oh, bisous. Bisous. Il y a Laetitia aussi à Auxerre qui est avec nous. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Salut. Ça va Laeti? Ça va. Bon, est-ce que avec cette jolie voix, on a de la punchline? Ouais, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, ça faisait très longtemps que j'étais avec mon copain et il m'avait fait une grosse crasse et je voulais larguer un peu salement. Mm-hmm. Donc je lui ai dit, en fait, je l'ai emmené devant un panneau stop et je lui ai dit, bah tu vois le stop, bah c'est comme notre histoire, c'est stop. Pas mal. Oh. Ah ouais, ouais. C'est un chouille méchant. Hein. Bah c'est hyper méchant même, enfin. Bah franchement, ouais. Mais attends, juste par curiosité, comment il a réagi? Bah il a essayé de faire genre, il avait pas compris en fait. Non, mais surtout, moi, un mec me dit ça, j'explose de rire, je le prends pas au sérieux, tu vois. Bah ouais, il a fait pareil. Bah ça dépend comment elle l'a dit, hein. Tu vois, si elle s'est barrée après, et quelques signaux quoi. Ouais, c'est un peu méchant ça quand même. Quand il y a de la mise en scène et tout pour une rupture, c'est dur. C'est dur. Ouais, bah c'était pas moi, ça va. Bon, bah, écoute, est-ce que depuis il a retrouvé l'amour? Est-ce qu'il est heureux ce garçon? Il a retrouvé l'amour, il en a plus. Mais il est quoi? Il en a plus? Mais il en a plus, ouais. Enfin, il a plus, non, il a personne. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, on va essayer de prendre de ses nouvelles quand même. Ouais, parce que ça m'inquiète. Donne-nous son numéro qu'on l'appelle, hein, pour qu'on lui fasse une petite analyse. On t'embrasse, Laetitia. Merci de nous avoir appelés. Bisous, les filles. Bisous. Il y a Antoine aussi qui est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Nico. Bonsoir Marion. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va, ça va. Alors dis-nous, est-ce que tu as une punchline pour nous? Oui, alors c'est une punchline que j'ai reçue pleine poire. Mm-hmm. Voilà, donc ça faisait, pour la petite histoire, donc je suis militaire parachutiste. Ouais. Voilà. Et ça faisait 2 ans et demi que j'étais avec mon ex, du coup. Et un soir, elle m'a appelé sans raison apparente. Et elle m'a tout simplement balancé « Du coup, tu sais faire du saut en parachute ?»« Oui. Eh bien, je te largue. » Oh non. Voilà, elle a raccroché et elle ne m'a plus jamais rappelé. Mais qu'est-ce que c'est que ces mises en scène pour quitter des gens, enfin? Une méchanceté sans voilà. Nom. Mais surtout, ah oui, oui, non mais complètement. Déjà, non mais surtout, quitter quelqu'un, c'est quand même pas la chose la plus facile à faire. Ouais. C'est difficile quand même, surtout quand ça fait longtemps et moi j'aurais jamais eu l'idée de quitter mon mec comme ça. Ah bah écoute, hein, elle l'a fait. Mais est-ce que c'est pas genre des paris avec les copines, genre pas capable de lui dire ça ou parce que quand même... Ah non, non, bah après j'ai essayé de la rappeler pour avoir des explications et en fait j'ai appris plus tard que bah elle était avec un collègue à moi qui était beaucoup plus gradé que moi, qui avait beaucoup plus de finances du coup, et voilà. D'accord, bon, est-ce que depuis tu as retrouvé l'amour toi? Non, je ne cherche pas plus, j'ai un peu de boulot, trop de boulot. Ah donc tu veux pas qu'on lance le Antoine Auton? Le pardon? Tu veux pas qu'on essaye de trouver une meuf quoi Antoine? Ah bah allez hein. Alors, il habite où? Où est-ce que t'habites? À Brétigny-sur-Orge. D'accord, et tu as quel âge? J'ai 21 ans. Ok, et alors à part du saut en parachute, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc je suis militaire, je joue de la guitare, je fais de la cuisine, je suis une vraie femme de ménage. Bah attends, il y a Anso déjà, là, elle est là hein. Hey, salut Anso. Mais Antoine, tu es comment physiquement? Je fais 1m85, je suis brun aux yeux noisettes, j'ai un physique du coup sportif, et puis voilà. Et tu habites où? Et j'habite à Brétigny-sur-Orge. Ah ouais. C'est pas loin ça. Et franchement, les filles, je sais pas comment il est physiquement Antoine, mais il a une bonne voix, il fait à manger, ouais. Il est cool, il fait de la guitare en plus, ça c'est vraiment un piège à nana. Et il est sportif et il fait du saut en parachute, c'est un aventurier, donc c'est pas mal. 01 42 48 5000, si son profil vous intéresse, on sait jamais. Voilà. C'est passé Antoine, on va essayer hein. Ah merci bien. On t'embrasse, jeune parachutiste. Allez, bisous, bonne soirée. Bisous. Bisous Amir, est-ce qu'on a de la réac sur les punchlines sur les réseaux? Évidemment, hashtag le night show pour les balancer. Alors, Valentin QD qui dit, il a déjà dit, enfin une meuf lui a déjà dit, le seul point commun entre toi et Georges Clooney, c'est que tu bois du café. Ouais, d'accord. Y en a d'autres. Hein. C'est ton cerveau est un peu comme les bureaux de la sécu sociale, rarement ouverts. C'est méchant. Ouais, ça balance. Hein. Ouais. Tu es tellement ennuyeux qu'on a donné ton nom à une méthode d'anesthésie générale. Ah, c'est horrible. Ouais, ça sort. Et puis, il y en a une qui m'a fait rire, mais elle est un peu violente. C'est tu ne seras jamais un homme, ta mère en était un. Oh non! Mais quelle horreur! Mais qui a dit ça? Choc! Je sais pas, c'est sur Twitter. Ah, je suis choquée. C'est magnifique. Est-ce que je demande à Enzo ou à Pépère? Vous voulez qui? Oh, bah, Pépère. Les deux. Bon, Enzo, est-ce que t'as une punchline en rab? Ouais, moi j'ai un truc qui est fort, c'est genre, même chez le marchand de glace, tu pourrais pas te payer ton magnum. Ah, on va passer pas à Pépère. Okay, elle est bien. Bon, ouais. Elle est pas mal. Elle est pas mal, mais bon, tu la sors à qui celle-là? C'est Ah, bah, Enzo, tu la sors. Ouais, voilà, tu la sors à moi. Mais par surtout, je suis la seule, en fait, moi je mets vachement de temps à les capter, les punchlines. Il me faut vachement de temps de compréhension. Ouais. Si tu veux l'émission, là, en podcast sur iTunes. C'est vrai qu'on est sur une lenteur, là, Anso, quand même. Hein. C'est possible. Thibaut, à l'arrière, une punchline ou pas? Ouais, moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand quelqu'un me raconte une histoire et qu'il est à fond dedans. Je dis, ça va être long. Ah, oh, c'est méchant, ça aussi. Ouais, ça, c'est méchant. Ça calme toujours et après, on n'ose pas repartir. Ouais. Et Pépère, du coup? Bah, Pépère, lui, il a pas de punchline, mais quand on lui dit nique ta mère, bah, il y va direct. Et je banque. Bah, vous voyez, j'ai pas compris non plus, là. Bah, quand même. Bah. Et il va direct niquer sa mère. D'accord. Bah. Bon, eh bien écoutez, si ça se passait, je vais faire un petit lavement de cerveau. 01 42 48 5000, on fait de la radio ensemble. Il y a le Pourquoi tu m'appelles là qui débarque juste après Major Lazer. On écoute Boom sur Fun. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a pump. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be if they need a pile of. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' day. Let me drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home and pass. Baby, girl, please, please, baby, don't leave. batting rider. Break a cup, she a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club, me introduce them to each other. Other, other, man a girl is, I'm in stanta forever. Radio, c'est toujours Marion et Anso là pour vous accompagner toute la soirée jusqu'à minuit. Et j'ai enfin l'info sur l'iPhone 7. Ah, ça a été dévoilé ce matin. On a le prix. Alors il faudra débourser entre 710€ pour la version classique à 32Go et coûte bien 1060€ pour s'offrir l'iPhone 7 250Go. Oh. 250Go, mais c'est énorme. Ça n'existait pas avant. Et c'est surtout 1060€. C'est un truc de ouf. De toute façon, c'est toujours un gros événement les sorties d'iPhone. En gros, les riches, ça leur permet de se procurer le dernier. Et pour nous, les pauvres, c'est cool parce que ça veut dire que le prix de l'ancien baisse. Donc, tout le monde est content et c'est génial. Allez. Pourquoi tu m'appelles? Bah je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Ce qu'on aime avec Anso et l'équipe dans le Pourquoi tu m'appelles, c'est qu'il nous permet de découvrir des gens, des styles et parfois des expressions et des manières de décrocher. Est-ce que tu te souviens de ça, Anso? Allô. Oui, c'était la semaine dernière. Non mais ce... Allô. Il est magique. Pourquoi? C'est génial. Le allô le plus long de l'histoire. Ah, et il y avait ça allô. Aussi la saison dernière, on l'adore. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est Timothée de Reims qui va jouer ce soir pour gagner son casque DJ. Bonsoir Timothée. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Ça va Tim? Ouais, ça va et toi? Ouais, je suppose que tout le monde t'appelle Tim. Oui, exactement. Oui, parce que si les gens t'appelaient OT, ça n'aurait aucun sens du coup. Hein. Oui. Ça aurait pu être Timo. Hein? Excuse-moi. Oui, mais Tim, c'est bien. Bon, et t'as quel âge, Tim? Alors, j'ai 12 ans. 12 ans, d'accord. Est-ce que tu te sens chaud patate pour le pourquoi tu m'appelles? Je me sens chaud. J'ai préparé la petite technique qui va bien. J'ai hâte de voir ça. Tu veux jouer contre qui? Contre toi, Marion. Okay. Ok, alors cool. Timothée, je vais donner à Marion un handicap histoire que tu gagnes plus facilement. Oui, pas besoin hein, sinon. Hein. Handicap très simple, si Timothée, j'y tiens. arrête de me péter mon délire. Petit handicap tout simple, tu vas répéter toutes les fins de phrase de la personne que tu auras au téléphone. Ah oui, j'aime bien ça. Attends, je demande quand même validation à Timothée, visiblement. Timothée, ça te va? Oui, oui. Et bah ça tombe bien parce que de toute façon, on allait le faire quand même. Allez Timothée, bouge pas, Marion se lance, tu appelles quelqu'un au hasard en France. J'aimerais tellement retomber sur... Allô. Ouais, c'est un homme ou une femme, d'ailleurs? Je sais pas. Une femme. Oh, allô. C'est le père Foras. Et Glenn, on va la garder, hein. Non. Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour, pourquoi tu m'appelles? Allô. Allô. Oui. Oui. Oui, pourquoi tu m'appelles? Mais je vous appelle pas. Je vous appelle pas. Bah si, parce que là, mon téléphone vient de sonner. Ah bon? Ah bon? Je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, alors, attendez, je vous explique. Je sais pas trop ce qui se passe. Peut-être que c'est un bug national parce que c'est la troisième fois que ça m'arrive aujourd'hui. Donc, je comprends pas. Ou alors, pourquoi tu m'appelles? Mais c'est quoi ce connerie là? Moi, je vous appelle pas, je vous connais pas. Je vous appelle, je vous connais pas. Mais le truc, c'est que moi non plus, je vous connais pas, monsieur. Mais là, il y a mon téléphone qui a sonné. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre parce que ça commence à m'embêter quand même. Il est tard, on a envie de se reposer, quoi. C'est pas une histoire, c'est pas une connerie là, ce que vous êtes en train de me dire là. Une connerie, mais ça parle vite quand même, j'arrive pas. Pourquoi tu m'appelles? Mais je vous appelle pas. Mais je vous appelle pas. Bah alors pourquoi mon téléphone sonne? Je veux dire, c'est quoi? C'est pas ton téléphone, là, c'est un autre. Allez, au revoir. Allez, c'est bon. Allez. Ah, il était génial. Le gars parlait beaucoup trop vite. Ouais, alors franchement, pour ce handicap, j'ai eu le pire gars possible. Combien de temps j'ai fait, Timo, à l'arrière? On a fait 59 secondes. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Timothée, 59 secondes à battre. Tu te sens? Je me sens au calme. Au KLM. Eh ben, c'est parti, Timothée. On appelle quelqu'un au hasard. Ok, ok. J'ai hâte de voir ta technique. Hein. Ouais. Le titim. Eh oui. Le tété. Le timouche. La Timotus. Oui, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, pourquoi tu m'appelles? Oui, vous trompez le numéro, là. Non, maman vient me larguer en pleine forêt et là, vous m'appelez. Vous êtes pas appelé, madame. Vous trompez le numéro, vous demandez qui? Non, mais je suis un monsieur. Un monsieur? Oui, je suis d'un enfant. Ah, d'accord. Mais je sais pas... Ben, je sais pas, ma maman vient me larguer en pleine forêt et vous m'appelez, monsieur. Excusez-moi, mais là, vous demandez qui, exactement? Ben, non, je sais pas, c'est vous qui m'appelez. Non, non, moi, je vous ai pas appelé. Mais non, vous trompez. Vous habitez où, monsieur? Je vous ai pas appelé, en bas. D'accord. Oh non, c'était génial. Ah, la technique mais, de ouf. Non mais c'est horrible, c'est-à-dire que le gars mais il a paniqué, il a paniqué. Il s'en fout quoi, le gamin il est en pleine forêt seul. C'est vrai qu'il a paniqué mais c'était une vachement bonne technique. Combien de temps il a fait Thibaut à l'arrière? Il a fait 47 secondes. Oh non. Ah ouais, bah ouais mais c'est le jeu hein. Ah Timouche. La Timotuche. Oui. Ah ça me fait chier, ça m'embête pour toi Bichon parce que t'étais bon quand même. Oui, bah c'est le jeu. Alors après t'as toujours les pourquoi tu m'appelles de rattrapage hein. Eh ben, ça marche. Est-ce que ça te dit, on se cale ça d'ici 15 jours? Ouais, ok. Ok, bon bah super. Tu nous revois ta technique quand même, hein, Timothée? Ouais. J'ai juste une question par contre. Oui. C'est quoi le cadeau du coup? Parce que j'ai pas pu le savoir. Ah bah alors là, cette semaine, c'était un casque DJ. Et d'ici 15 jours, on sait pas encore, mais on a le temps de te prévenir d'ici là. D'accord. D'accord. Non, parce que Timothée, dis-nous, qu'est-ce qui t'arrange en cadeau? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je sais pas. C'est vrai que... Enfin, il y a des trucs, mais je suis pas sûre que vous les aviez, quoi. Genre quoi? Genre un iPad ou des trucs comme ça. Ah bah ça nous arrive d'en avoir, ça dépend des semaines Bichon. Donc ce qu'on fait, c'est que tu choisis la semaine où le cadeau t'intéresse. Et on se refait un petit pourquoi tu m'appelles de rattrapage, d'accord? Ok. Allez, on t'embrasse Timothée. Ok, bisous. À très vite. Bon, dans un instant sur Fun Radio, nous allons venir en aide à un auditeur. Marion, tiens, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que tu as déjà été bouche-trou dans ta vie? Oui, je pense. Au collège notamment, on m'appelait qu'en cas d'extrême nécessité, puisque je n'avais pas d'amis. Et toi? Non, moi j'ai jamais été bouche-trou. Non, toi t'as été bouche-tub, je crois. Mais la violence, ça a pas non. Pardon. Bon, on vient en aide à un auditeur, puis venez-moi en aide aussi là. 01 42 48 5000, on se retrouve juste après Bob Sinclair sur Fun Radio. Pardon. 23h13, vous êtes sur Fun Radio, toujours on est ensemble jusqu'à minuit. Demain, notre invité sera Black M. Vous êtes hyper nombreux à nous envoyer des mails là. Il va être une heure au moins avec nous, on va kiffer, donc continuez. Marion et Anne-Sor@funradio.fr pour lui poser des questions. Ouais, et là on parle de bouche-trou et je voudrais dire, Marion, que sur Twitter, les gens réagissent à ce que tu viens de me dire. Ah, voilà, il y a, y a la violence de Marion avec Anso, tu m'as tué la pauvre. Fanny qui dit Marion, la meuf sans respect. Ouais, mais alors bon, c'était une vanne. Oui, évidemment que c'était une blague. Bon, on va pas revenir dessus. C'était une punchline, on parle de punchline, c'était une belle punchline. Tout à fait. On a Clément de Paris, alors bonsoir Clément. Bonsoir les filles, est-ce que vous êtes là? Oui. On est là. Dans la mesure où tu nous appelles Clément, il y a des chances qu'on soit là. Et bah c'est cool. Comment ça va Clément? Et bah ça va bien, j'ai juste un tout petit souci, pour ça que je vous appelle. Bah raconte, on est là. Alors en fait, je vais être assez bref. J'ai vraiment l'impression d'être pris pour le bouche-trou en fait avec mes potes et tout, et ça me saoule un peu. Ah, genre, ouais. D'accord. Genre, ils font jamais appel à toi du premier coup. C'est toi qu'on appelle quand il y a personne de dispo, quoi. C'est ça, ouais. C'est un peu moi le dernier recours. D'accord. Clément, t'as des exemples de tout ça? Ouais, j'en ai. Par exemple, quand je sais pas, quand eux ils font des restos à plusieurs ou ils vont boire un verre, personne ne très bien, personne m'appelle. Oh, Clément. Pas super cool. Bon. Et de l'autre côté, quand eux ils ont rien de prévu ou qu'il y en a un qui est tout seul, ils m'appellent en mode bah est-ce que tu veux pas venir ou je passe chez toi, un truc. Bon. Voilà. Clément, tu posais la question. Évidemment, nous sommes là avec Marion. Oui. Et nous allons te venir en aide. D'accord. Tu restes avec nous, Clément. Super. Ouais, je reste là. 01 42 48 5000. Appelez-nous vous aussi. Je sais pas si vous avez déjà été bouche-trou dans la vie. Moi, j'ai été. Un bon job. Hein. C'est vrai, t'as été bouche-trou. De ouf. Mais toi, t'as eu une enfance que remplie de tanasse en fait. Bah, hein. J'avais pas de poteau, donc forcément. Moi, j'ai peut-être une solution pour lui. Ah, t'as une solution. Ouais. Je pense avoir la solution. Et ben, Clément, ne bouge pas. On revient tout de suite sur Fun. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Award. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bannure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Bannure. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Aujourd'hui au cinéma. Événement Fun Radio. Dimitri Vegas, Like Mike. Bringing the Madness. Les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace. Le meilleur duo de DJ au monde emmènera son Madness à Anvers, en Belgique, à 4 reprises. Info et tickets via livenation.be. Dimitri Vegas and Like Mike au Sport Palace d'Anvers avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Bon, forcément, quand tu fais ça tout seul, bah t'as l'air un peu con. Écoutez Marion et Anso, le Night Show. It's the Night Show. De 22h à minuit sur Fun Radio. Hashtag le Night Show, on est ensemble. Là, on passe la soirée jusqu'à minuit. On doit aider Clément. Si vous avez des conseils pour lui, c'est le moment. Clément, il a l'impression d'être le bouche-trou de service. En gros, dès que ses potes font une soirée, il l'appelle pas. Par contre, dès que ses potes n'ont pas de potes de dispo, là, il l'appelle pour combler les trous, quoi. C'est ça, Clément? C'est exactement ça, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples? Par exemple, est-ce que t'es invité tout le temps par intérêt ou... Souvent, ils m'invitent sur des trucs qui, eux, les font un peu chier pour pas se retrouver tout seul, quoi. Par contre, les trucs vraiment cool qui pourraient aussi me plaire, je suis pas le premier sur la liste, quoi. Mais pourquoi tu changes pas de pote, Clément? C'est pas une question que je change de pote, c'est que vraiment, quand on est ensemble, on s'entend super bien et... Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils m'appellent que quand ça les intéresse peu, tu vois. Clément, est-ce que tu as essayé de faire une auto-analyse? Parce que parfois, quand c'est le cas, moi à l'époque, j'étais le bouche-trou parce que j'étais pas hyper intéressante comme meuf, tu vois. J'étais un peu timide, j'étais pas dedans, quoi. Est-ce que toi, t'as peut-être un défaut qui les fait chier et du coup, ils ont pas spécialement envie d'être tout le temps avec toi, tu vois, peut-être? Après, c'est vrai que je me suis pas remis en question vraiment sur le truc. Je vais plus retourner le problème vers eux en mode, ouais, c'est eux qui me mettent un peu sur la touche, tu vois. Mais peut-être que je devrais, peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il y a un truc qui les fait chier, peut-être que tu pourrais juste leur demander en fait, mais en détente. Tu vois, genre, ouais, les gars, en mode cool, bien sûr. Sans leur prendre la tête, tu vois, mais ouais, les gars, j'ai remarqué quand même, vous m'appelez pas souvent, est-ce qu'il y a une tanasse, est-ce qu'il y a un problème, tu vois, je pense qu'ils te répondront si c'est des potes. Ouais, carrément, carrément, je pourrais leur en parler. Ouais, à mon avis, c'est une bonne piste. Mais attends, parce que Amir, avant la pub, nous a dit qu'il avait la solution, donc on est tous très curieux d'entendre ta solution, Amir. Alors, quand j'étais en troisième, j'avais un espèce de groupe de potes où j'étais un petit peu leur bouche-trou pour eux aussi. Ouais. Ils m'appelaient juste pour que je sois là, mais en fait, ils s'en foutaient complètement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté dès qu'ils m'appelaient. Enfin, ils m'appelaient pas, j'avais pas de tel à l'époque, mais en tout cas, ils toquaient à la maison et ils disaient est-ce que tu peux sortir et tout ça. Et je refusais catégoriquement. Et j'ai arrêté de traîner avec eux. Et j'ai traîné avec un autre groupe de potes. Alors, au début, tout le monde s'en foutait. Et à la fin, ça les a fait chier. Ouais, mais du coup, faut quand même avoir une autre bande de potes sous la main, quoi. Mais au pire, tu restes avec ta famille, enfin, c'est pas grave. Bah attends, c'est dur. Tu vas faire un foot avec ton père, c'est pas grave. C'est vrai que c'est la solution. C'est pour ça que je vous aime pas, vous. Non, mais je suis un peu d'accord avec Amir. Pour les faire réagir, il pourrait aussi leur dire non, tu vois. Peut-être pas aussi radical, mais parfois, si on t'appelle, tu dis non, en fait. Ouais, c'est ça, et tu leur dis, les gars, je sors, mais est-ce que ça dépend si je vais autant vous servir qu'hier? Enfin, j'en sais rien. Ouais, tu peux. Ouais, leur poser la question un peu en mode en les remettant un peu. Voilà, Clément, il faut voir ça comme une relation avec une meuf. Quand t'es avec une meuf, il faut pas être trop présent, trop sur son dos parce que ça la saoule. Mais quand tu laisses, quand tu laisses un petit peu de distance, un peu de mystère, tu vois, elle est bouillante, quoi. Bah, ouais, c'est un peu pareil. Mais toi, Anso, est-ce que t'as déjà eu ce sentiment ou jamais? Genre, tu sais, de t'incruster, genre t'étais pas vraiment à ta place, mais t'y allais quand même. Si, un peu quand j'étais au collège et que je savais pas avec qui manger, tu t'incrustes toujours avec des groupes quand tes potes ont déjà mangé à l'heure d'avant toi, tu vois. Et moi, tout le temps. Moi, j'avais tout le temps l'impression qu'on n'avait pas envie que je sois là, mais j'y allais quand même pour pas être seule. Je te jure, quand tu me parles de ton enfance, ça me fait une peine. Non, mais ça n'a pas duré longtemps. Au lycée, ça allait mieux, mais c'est vrai que collège, c'était hyper compliqué. Ouais. C'est, voilà, personne jouait avec moi au récré et tout, quoi. Elle s'enfermait dans les toilettes, la petite. Mais oui, je sais. Non, mais ça, c'est parce que aussi, c'était compliqué. Je m'étais embrouillée avec les caïds du bahut, j'avais un peu peur. Et c'est vrai que pour éviter qu'on me voie seule dans la cour, du coup, j'allais aux toilettes pendant 15 minutes. Les caïds de danger. Bah ouais, bah ils faisaient peur, hein. Vincent, ils avaient des Nike et tout. Ah frère. Rigole pas, c'était vraiment ça en plus. Mais Clément, franchement, ce que t'as dit, Marion, c'est la bonne solution. Parle-leur et dis-leur, écoutez, je pense qu'il y a un truc, peut-être que t'es lourd. Ouais. Bah j'ai pas l'impression en soi d'être genre le mec le plus relou. Je sais pas celui que, enfin, il y a parmi le groupe de potes qu'on a, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui ont plus leur gueule et qui sont plus casse-pieds que moi je le suis, tu vois. Peut-être que tu leur fais de la concurrence, peut-être que t'es hyper beau gosse, que les meufs viennent vers toi et que ça les saoule. Je sais pas, mais je pense que je vais leur en parler, l'idée me paraît bonne. C'est vrai que c'est une bonne piste ça, hein, le pote trop beau gosse, si tes potes chopent pas. C'est sûr. Bah après, si c'est vraiment ses potes, il est beau gosse, bah il a rien à faire avec eux. Si c'est juste pour ça, c'est débile. On est d'accord. Mais par contre, moi j'ai, en ce moment même, j'ai un de mes potes, un de mes super potes avec qui on se parle plus, parce qu'il est très très lourd. Oui. Alors peut-être qu'il écoute ce soir et que je vais recevoir un SMS, mais il est tellement lourd qu'avec mes potes, on lui a fait, mon pote, je suis désolé, t'es trop lourd, t'es chiant. Ouais, mais du coup, vous l'utilisez même pas comme bouche-trou, vous êtes honnête. Voilà, vous lui avez dit et vous l'appelez pas en dernier recours. Non. Ah bah on l'appelle plus. Voilà. Donc non, mais bon, au moins. C'est radical, mais c'est honnête, tu vois. Ah ouais, on l'a fait là, même, quoi. Dans le cas de Clément, c'est pas ça. Voilà, donc Clément, tu vas parler avec tes potes, puis du coup, ils vont plus jamais t'appeler non plus. Ah, ils traînent avec d'autres potes maintenant. Bon, Bichon, on a peut-être du monde au standard pour toi, ne t'inquiète pas, on a d'autres solutions sous la main. Stéphane est à Marseille. Bonsoir, Steph. Salut, monsieur Marion, salut, Anso. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ouh, ils sont insupportables les deux là ce soir, Amir et Anso. Je sais pas, ils sont en train de remasteriser le est-ce qu'on est content d'être là. C'est un truc de moi, j'adore. Bon, dis-nous remix. Toi. Bah écoute, en fait, moi, quand c'était. Au début, ça commençait quand j'étais au collège, en fait. Mm-hmm. À chaque fois qu'on allait en sport, déjà, c'est sûr et certain, c'est quand on fait les équipes au foot, au basket, etc., j'étais toujours le dernier choisi. Tu vois, d'habitude, t'as toujours le petit gros. Non, mais Stéphane. Et puis t'avais moi. Non, mais Stéphane, moi, j'ai jamais été bouche-trou, mais j'étais tout le temps la dernière choisie dans les équipes. C'est normal, j'étais nulle. Mais moi, je sais pas si c'est que j'étais nul ou voilà, mais c'était chiant. T'as toujours l'air con, tu sais, quand t'es dans les deux, trois derniers, t'es toujours. Cette sensation que t'as quand tout le monde est appelé, et là, petit à petit, tu vois que ton nom vient pas, et que t'es seul, exactement. Franchement, c'est hyper humiliant. Comment ça s'appelle les trucs qu'ils nous donnent pour être dans les équipes, là, tu sais, les maillots à trous, là? Les brassards. Les chasubles. Les chasubles. Et ben moi, j'étais non seulement la dernière choisie. J'ai dit les brassards. Ouais. Rien à voir. Hein. Non, mais t'es calé, toi, en ce moment. Mais non seulement j'étais la dernière choisie, mais en plus, j'avais toujours le chasuble qui était vraiment dégueu. Ouais, le scratch qui marche plus. Ouais, le scratch qui marche plus, puis l'odeur et les couleurs qui ont passé à cause de la transpi, tu vois. Ouais, ça, c'est l'horreur. Tout bon, tu sais. Hein. Oui, mais. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, toujours, je préférais ne pas la voir, en fait. Moi, si j'étais choisi le dernier, à la fin, je disais, bon, vas-y, je joue pas. Et je partais. Oh, le rebelle de merde. Horrible. Mais du coup, est-ce que tu sais pas pourquoi? Tu sais pas si c'est dû à ton niveau ou parce que les gens ne t'aiment pas? Ben en fait après ce genre, j'ai essayé 2 ans après en fait de changer de look, tu vois, en fait parce que j'étais plutôt un mec qui avait les cheveux longs, tu vois, les piercings sur les oreilles et tout. Et après je me suis mis en mode on va dire normal pour les gens. Mais et en fait après ben ça allait mieux quoi. Mais c'est dommage, il faut garder son look, on s'en fout, justement, la différence c'est bien, faut la cultiver. Bah ouais, mon pote. Ouais, mais bon, enfin, bah, ça a marché, puis on verra plus tard, quoi. Hein. Bon, maintenant, tout va mieux maintenant. Tout va mieux maintenant. De toute façon, quand plus tu grandis, après les gens ils t'acceptent comme t'es, tout le monde grandit, donc ça passe. Oui, c'est clair, bah après c'est de la maturité, quoi. Je pense que le pire c'est la primaire et le collège, là c'est violent. Le lycée c'est violent, je suis désolée, parce que franchement, le lycée c'est. Il y a les meufs, il y a plein de trucs. Moi, je trouve ça violent aussi. Collège, lycée, ça peut être. Et la fac aussi. Hein. Enfin, moi, je suis pas allée. Non, pas la fac. Tu vas comme tu veux. Oui, Thibaut, à l'arrière. Non, mais c'est horrible quand tu changes d'établissement, quand t'arrives au lycée, que tu dois te refaire tous les potes et tout ça. Ouais. Moi, je trouve ça horrible le moment où tu passes au lycée. C'était trop dur. Il en a gros sur la tête. Non, mais vraiment. Justement, Thibaut, à l'arrière, est-ce que toi, t'as été bouche-trou une fois dans ta vie? Bah, moi, c'est pas forcément genre bouche-trou, mais tu vois, genre, quand je suis un peu la dernière roue du carrosse, c'est genre. Au restaurant, les serveurs ils pensent jamais à moi. Genre, ah oui, tu vois, mais c'est pas pareil. Alors là, tu vois, si j'étais prof, je te mettrais un hors sujet. D'accord. Moi aussi. Mais ça, j'en ai souvent, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, on t'oublie souvent, mais ça, c'est plus parce que t'es transparent, tu vois. Bah, c'est pas... ça. Pas le côté bouche-trou. Bah, c'est vrai. Stéphane, en tout cas, merci de nous avoir appelé. On t'embrasse, mon poulet. Bah, de rien. Bisous, l'équipe. Hein. Bisous à toi. Il y a Mathilde aussi qui est à Dunkerque. Bonsoir, Mathilde. Salut Marion, salut Anso et salut Clément. Salut Mathilde. Alors raconte-nous à Dunkerque, est-ce que tu es bouche-trou? Bah moi je me compare totalement à ce qu'il est en train de ressentir Clément. Mm-hmm. Parce qu'en fait avant j'avais pas de voiture. Et quand j'avais pas de voiture, personne m'appelait, jamais. J'étais toujours seule tout, les week-ends c'était la galère totale. Et là bizarrement, depuis que j'ai une voiture, tout le monde a envie de sortir, tout le monde est chaud pour boire. Sauf moi, forcément, puisque maintenant, je conduis, j'ai ma voiture. Donc, je suis toujours la grosse pigeonne, voilà, qui boit jamais, puisque je conduis. Enfin, voilà, c'est trop la misère, quoi. Une pigeonne qui va rester en vie, au moins, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais c'est hyper dommage, parce que là, tu te rends compte que tes potes, en fait, ils t'ont choisi par intérêt, c'est naze. Bah, c'est ça, quoi. Enfin, en fait, c'est toujours les mêmes potes, sauf qu'avant, ils m'appelaient vachement moins, quoi. Oui, mais du coup, Mathilde, tu t'en rends compte, tu sais très bien qu'ils te proposent de sortir parce que t'as une voiture. Pourquoi t'arrêtes pas? Pourquoi tu leur dis pas, bah non, j'ai pas envie de bouger et ma voiture est en panne? Parce que tu. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'à un moment, je vais finir par tous les envoyer chier parce que cette situation, elle me pèse, mais phénoménale. Ouais, mais il faut. À chaque fois, quand on m'appelle pour que je fasse le chauffeur, c'est lourd, quoi. Mathilde, il faut, avant que t'en arrives là, à tous les envoyer chier, il faut que tu leur parles gentiment, tu vois. Bah oui, sinon tu vas perdre tout le monde. Oui, Enzo. Mais Mathilde, il t'appelle avec l'application Uber ou pas pour aller les chercher? Il est con. Il est pas mal. Bon, en même temps, Mathilde, Clément, vous êtes deux âmes en peine. Mais le bon plan pour Mathilde, je vais y arriver, c'est d'avoir une Smart. En vrai. Une place et c'est fini après. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça marche. Bah, les crevards ont tous des Smart. Hein. Bon, après, il y en a une qui habite à Dunkerque, l'autre à Paris. C'est quoi? C'est 2 heures de train? Ouais. Non, mais attends, ils vont se trouver chacun des poteaux bouche-trou dans leur région quand même. Oh, tu vois pas que j'essaie d'aménager des couples là, hein? Non, mais moi, franchement, j'ai envie que vous régliez ça avec vos potes parce que je pense qu'il faut parler en fait. Là, vous accumulez un peu tout et vous avez même pas essayé de leur en parler. Donc, allez-y là, tous les deux. Demain, petite discussion avec les poteaux et ça va s'arranger, c'est sûr. Ça marche, mais je pense que l'idée est vraiment bonne, ouais. Ou à l'antenne? Oui, ou à l'antenne, on peut vous aider hein, si vous voulez qu'on tente le coup. Nous, on les appelle et puis on leur parle. Ça marchera mieux à l'antenne, je pense. Ouais, franchement, Clément, si tu veux, il n'y a pas de souci. Puis c'est bon pour l'audience. J'espère qu'ils vont tous chialer. Bon, on vous embrasse très fort tous les deux. Merci à vous. Bonne soirée. Nous, on est vos potes en tout cas. Mais bisous. Oui. Ouais, merci. Voilà. Ciao. Si vous avez besoin, vous nous appelez. Bisous, Clément, Mathilde. On vous aime, les potos. Bon, dans un instant sur Fun Radio, c'est le Je te demande pardon qui fait son grand retour dans le Night Show. Oh oui. Comme s'il avait disparu, tu sais. Et puis on parle de cul juste après, là. Donc si vous voulez parler avec nous de Fionfion, 01 42 48 5000. On se retrouve après DJ Snake sur Fun. I used to believe. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Sur Fun Radio, si vous ne nous connaissez pas, eh bien sachez que nous appelons Marion et Anso et que cette émission s'appelle donc Marion et Anso parce qu'on n'était pas hyper inspirés. Bon, en tout cas, sachez qu'en tout cas, on a créé un truc qui s'appelle Marion et Anso Opération Bahut. Ça veut dire que Marion et moi venons vous chercher à la sortie de l'école. Ça peut être du lycée, du collège, de la fac, ce que vous voulez. Vous vous inscrivez par mail marionetanso@funradio.fr ou alors via Twitter avec le hashtag Marion et Anso Opération Bahut. Nous avons les dates. Oui. Alors notez sur votre tablette, hein, comme disent papy et mamie. Ce sera le 22 septembre, on viendra vous chercher si vous habitez Paris ou la région parisienne. Ouais. Et le 8 octobre, on viendra vous chercher en province. Donc allez-y, inscrivez-vous, et puis comme ça, on n'en parle plus. Hein. T'as un truc à te faire pardonner, c'est l'heure du... Je te demande pardon, sur Fun Radio. Pour vous faire pardonner en direct et avec notre aide, ça se passe sur marionetanso@funradio.fr. On n'est pas contre un petit MP sur Facebook aussi. Et on n'est pas contre non plus un 01 42 48 5000. Bref, vous vous inscrivez comme vous voulez. Est-ce que tu crois, Marion, que je pourrais me faire pardonner d'Abdel, tu sais, l'un des prétendants pour mon anniversaire mardi dernier? Oui. Que j'ai quand même un peu maltraité, le pauvre. C'est vrai que sur la vidéo, on voit que t'as vraiment peur de lui et il le prend... pas mal. Très bien. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais il faisait peur, Abdel. Abdel, je te demande pardon. Voilà. Tu ne gagneras rien, mais je te demande pardon. On joue avec Eric ce soir de Sainte-Maxime. Bonsoir Eric. Salut Marion, salut Anso. Ça va Eric? Ouais, ça va. Ça pourrait aller mieux, c'est pour ça que je t'appelle. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie toi? Ouais, en fait, je voudrais me faire pardonner auprès de mon meilleur pote. Mm-hmm. Il est parti en vacances, il m'a laissé sa maison. On est à Sainte-Maxime. Okay. Et en fait, j'ai organisé une soirée chez lui. C'est une maison plutôt sympa, tu vois, avec un beau petit jardin et tout. Le problème, c'est qu'on s'est vite laissé aller dans le flot de la soirée avec les mecs et les nanas. On a légèrement, on va dire très légèrement abîmé sa maison. Et surtout, le truc qui va le rendre fou, c'est qu'il a un bonsaï auquel il tient énormément. Ça a une valeur affective et j'ai pas fait gaffe. Et voilà, il m'avait chargé de vraiment faire attention, de le protéger, de l'arroser tous les jours et tout. C'est un truc et il est mort, hyper quoi. Fragile, ça, en plus. Mais hein. C'est quoi, ouais. C'est espèce de truc C'est les mini-arbres japonais. Ouais, c'est les mini-arbres. C'est un truc de fou. Vous avez fait, vous l'avez cassé, vous l'avez perdu. Moi j'ai rien fait, mais quand je suis parti, le petit jour pour regarder l'état dans le jardin, le bonsaï a été déterré, il y avait des canettes de Red Bull partout. Ils l'ont taillé, enfin c'est n'importe quoi, il est mort. Mais globalement, Eric, tu les connaissais ces gens avec qui t'as fait l'état parce que. Ouais, je les connaissais, mais bon, pas dans des circonstances comme ça, quoi. Mais je pensais que ça allait être un peu plus cool et puis voilà. Donc là, il est au courant que t'as fait une soirée chez lui ou même pas? Non. Ah oui, non, il sait pas. Non. Et je me sens con de ouf, quoi. Il récupère la maison quand? Ah, il rentre demain. Ah oui, d'accord. Bon. Ouais. Bon, écoute, il s'appelle comment ton pote? Cyril. Ok. Eric, on appelle Cyril. J'ai envie de te dire bonne chance, mec. Ouais. Ouais. Parce que là, je pense que tu vas perdre un pote. Oulala, sympathique ce Cyril. Ça me fait marrer les gens qu'on descend. Allô? Allô, Cyril? Ouais. Allô? Ouais, Cyril, salut mon pote. Ouais, c'est Eric. Ouais, ça va? Ouais, justement, ouais. Tu tombes bien, je voulais t'appeler, tu vois. Ouais, tu rentres demain? Ouais, je rentre demain, je voulais prendre des nouvelles, quoi. Bah, c'est pour ça que je voulais t'appeler un petit peu avant. En fait, il y a eu un petit problème, en fait. Voilà, tu m'avais dit de prendre soin de la maison et tout, que je fasse comme chez moi. Le problème, c'est que j'ai invité des potes, des nanas, des mecs. On a fait une petite soirée. Ouais. Le problème, c'est que on a teasé un peu, on n'a pas fait gaffe. Il y a des taches sur le canapé, j'arrive pas à les enlever. La table basse, je suis désolé mon pote. Franchement, je préfère te le dire, mon pote, voilà. Tu m'as demandé de faire gaffe à ton bonsaï, quoi. Dans le jardin, j'ai vu qu'ils l'ont défoncé, le bonsaï, quoi. Putain, mais ma maison, quoi, mon bonsaï, écoute, je vais faire mon possible, mais après, tu sais très bien, mais franchement, j'ai pris soin tous les jours. Il y avait juste hier soir où j'avais envie qu'on se détende et tout, ils faisaient chaud, c'était cool, c'était stylé, on a mis la musique. Voilà, ils sont partis dehors. Stylé, oui, tu m'étonnes, c'est stylé. Ils ont défoncé le bonsaï, quoi. Ils l'ont sorti de terre, ils l'ont complètement retourné, ils l'ont taillé, il y a des branches partout. Franchement, même moi, ça me fait mal au cœur, les coins. Ils avaient besoin de toucher à ça, là. Ils avaient rien à foutre là, déjà. Je te prête ma maison et tout, je te fais confiance, tu fais n'importe quoi là. Je sais, j'ai été con, je suis désolé, franchement. Il a été con. Ouais. Mais c'est qui là? T'es avec Théo là? C'est qui les filles là? Bonsoir. Allô? Ça va, Cyril? Oui. Tu m'entends? Ouais. Cyril, bonsoir, nous sommes fleuristes. Non, c'est Marion et Anso, on est sur Fun Radio, mon pote. La radio. Mais c'était c'est pas la une... radio. Oui. Non, mais c'était pas une blague, hein, Cyril. Hein. Non. C'est-à-dire qu'il est vraiment sincère, Eric. Il a déconné, il a fait le con. Mais c'est quoi? Pourquoi je suis à la radio là? Bah, parce que justement, il voulait se faire pardonner en direct devant tout le monde parce qu'il s'en veut quand même. C'est courageux. Ouais, c'est courageux de déplanter un bonsaï aussi, ouais. Non, ça c'est très con. Après, voilà, il a fait une connerie. Il nous a dit qu'il avait vraiment pris soin de ta maison pendant plusieurs semaines. Et hier, il a rien maîtrisé en fait. Ça a un peu dépassé son contrôle comme ça. Et il s'en veut vraiment. Mais après, je pense que t'as déjà fait des teufs dans ta vie. Tu peux comprendre que parfois ça déborde, tu vois. Ouais, mais si, je peux comprendre, mais putain, non, c'est abusé, là. C'est après, trop abusé. Ouais. Moi, je me mets à la place de Cyril, entretenir un bonsaï, c'est quand même du taf, mais hein, les gars. Ça coûte cher, mais un bonsaï. Mais ouais, ça galère, c'est super compliqué. Ça coûte cher ou pas? Ouais, ça coûte hyper cher, mais ouais, ça coûte une blinde. Amir, on n'a pas des bonsaï à Fun, éventuellement. Non. Par contre, il peut toujours en acheter un autre. Ouais. Et envoyer la facture à Bruno. Oui. Ouais, mais bon. Bah, c'est une chance en plus de gagner de l'argent. C'est vrai. Ouais. Bon, Bichon, on est désolé, on peut rien faire pour le bonsaï, mais sincèrement, c'est ton pote. Vous allez pas vous embrouiller pour une plante, quoi. Non, là, ça me casse les couilles. Après, je sais pas, je vais revoir ça avec lui quand je vais rentrer, quoi. On va en reparler, mais. Est-ce que tu me pardonnes? Bah, après, ça reste mon pote quand même, quoi. Mais. Ouais, non, mais. Non, mais c'est après, normal, voilà, attendez, les gars. Il y a des choses plus graves que ça, je pense, mais voilà. Bien sûr. Il faut je vais lui pardonner, quoi, mais par contre, je pense pas que je vais lui relâcher la maison, quoi. Bah, ah, oui, bah attends, Ouais. Non, puis même, t'as le droit de digérer un peu, Cyril, tu vois, t'as le droit. Hein. Ouais, ouais, mais voilà, faut qu'on se revoie, on va en reparler et on va mettre les choses au clair là. Parce, Cyril, si je t'envoie 2-3 tulipes, est-ce que ça te réconforte? Ouais, avec des marguerites. Et à l'étranger, c'est moins cher les bonsaïs. Ah, ce que j'allais dire. Et Cyril, si je t'envoie C'est le problème d'Eric, c'est son problème, il se démerde maintenant pour aller en trouver. Oui, mais écoute-nous, si on t'envoie à Londres, est-ce que ça passerait mieux? Ah, si on peut s'arranger comme ça, ça peut passer, ouais. Ah, regarde-le, lui. Eric. Si vous me prenez par les sentiments, ouais, forcément, là... Eric. Ouais, ouais. Si jamais tu vas à Londres, tu vas avec ton pote. Mais bien sûr, là, on va faire la fête de ouf. Dans tous les jardins de Londres, y a pas de souci. Eh, c'est avec Vueling, vous allez partir. Bah, c'est cool. Bah, merci. Tous merci. Les deux. Merci à vous, bah, merci à Fun. Ça merci, Fun. C'est gentil, merci les filles. Bisous, bisous, ciao. Dans un instant sur Fun Radio, c'est l'instant Q, c'est l'instant Fion, c'est l'instant Q-fion. Très beau jingle. Anso, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu embrasses goulûment pendant l'amour ou pas? Ah mais totalement, moi je suis complètement fan du roulage de pelle. Eh bah tu vas pas être contente parce que je suis tombée sur une étude qui dit le contraire. Les couples mariés ne s'embrassent pas du tout pendant l'amour, oui non, madame. Quelle drôle d'idée. Qu'on m'appelle tous les couples mariés de France. On débat dans un instant sur Fun Radio juste après Zao et MHD. Bougez pas, ça va être chaud. Mais c'est le coup de... Ilo, elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Ilo, elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Moi dans mon coin ici l'ambiance est bonne. Non tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse les parler. Et demain on aura zappé. Et pas. Laissez les koumas. Laissez les parler. Laissez les koumas. Laissez les koumas. Laissez les parler. Laissez les koumas. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version. Laisse les croire, laisse les jacter. T'es pas l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'enjaillis. Non tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse les parler. Et demain on aura zappé. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse les parler. Zao MHD sur Fun, j'adore tellement ce titre, je kiffe. J'ai trop envie qu'ils viennent le faire là en live dans les studios, donc l'appel est lancé. Zao MHD, c'est quand vous voulez. Vous venez, vous appelez Anso ou moi, là, hop hop hop, petit SMS et puis on s'organise ça quoi. Hein ? Meuf qui fait genre, elle a le contact des gars quoi. La meuf s'emballe. Bon, on voulait vous parler de ce truc qu'on a vu qui nous rend un peu ronchonchon avec Marion. On n'est pas contente. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas contente, c'est qu'on est surprise. On a trouvé un article, je sais plus sur quoi, Cosmo ou je ne sais plus. En gros, ça dit que les couples mariés et les couples en général ne s'embrassent pas quand ils font l'amour. 70% des couples, c'est beaucoup hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils passent à l'acte directement, mais je comprends même pas comment c'est possible, parce que comment tu peux te chauffer sans même t'embrasser? Bah moi je trouve que en plus quand tu t'embrasses et que tu te caresses comme ça la bouche, c'est le moment qui t'excite en fait. C'est un excitant, non? Oui, Thibaut à l'arrière. Moi je peux comprendre parce que genre tout peut passer par le regard, tu vois, un regard bien sensuel, machin, et en plus tu peux t'apprécier, tu vois. Mais mec, ça va deux secondes. Mais le regard là qui tue, ça va deux secondes, je te le dis. Surtout, tu peux t'apprécier. Non, il faut vraiment. Enfin, après, voilà, s'il y en a 70% qui le font, c'est que ça doit exister. Mais pour moi, il faut s'embrasser. Mais Thibaut, toi qui as une meuf, vous embrassez quand même quand vous faites l'amour. On se roule des grosses pelles, ouais. Bah oui, mais même si tu te roules pas des grosses pelles, au moins des petits smacks de temps en temps. Après, je suis d'accord, je sais, là, vous allez tous nous dire, il y a des positions qui le permettent pas, certes. Bah, hein genre. Bah, par derrière, tu peux pas t'embrasser, Babur, la levrette. Bah, si tu l'étrangles, si. Tu lui casses la nuque. Bah, d'accord. non, je suis désolée. Mais si, en vrai, le mec se penche un peu comme ça, amoureusement et tendrement sur la personne, et tourne délicatement la tête, et non, là, tu peux t'embrasser. C'est une galère. Non, mais en plus, c'est pas grave, là, s'il y a pas de bisous à ce moment-là. En plus, je dis pas, par moment, t'as envie de faire l'amour un peu sauvagement, et t'as pas envie de t'embrasser. Ça, j'entends bien. Oui, mais pour commencer, au moins. Voilà, et moi, je comprends pas non plus. Bon, du coup, on s'est dit, appelez-nous, là, on veut lancer le débat. 01 42 48 5000. Est-ce que vous êtes du genre à vous embrasser pendant l'amour? Si oui, comment? Est-ce que vous êtes bon niveau bisous? Tout ça, on veut tout savoir. Hein? Et pourquoi d'ailleurs? Bah, je sais pas, on est curieuse. On est des grosses perverses. Et restez là parce que je vous ai trouvé les 5 techniques pour bien m'embrasser. Ah, bougez pas. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. The Parakeet. Hey, it's Martin Garrix on Fun Radio. Fun. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, Fun Radio. Sur iPhone. Fun. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio is my radio. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. I love you, Fun Radio. Suivez Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Merci Fun, j'adore trop le son que vous passez. Fun Radio. Le son dance floor. mardi. Là, tout de suite dans le Night Show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The Night Show. Sur Fun Radio. J'ai l'impression que cette émission, elle est passée à une vitesse folle. Je sais pas vous. Ouais, de ouf. Vitesse grand V. Ouais, j'en profite pour vous dire que si vous avez envie de venir nous voir dans le studio là directement, il n'y a pas de problème. Hein. Marion et Anne-Sor@funradio.fr. On fait un coucou à ceux qui sont venus ce soir parce qu'ils sont bien sympas. Des voilà. Coutous. Ça nous permet de se rencontrer et tout. Donc c'est cool. Vous venez quand vous voulez. On peut pas accueillir 100 personnes à la fois, mais 5-6 comme ça, ça passe tranquille. Voilà. Oui. Et puis on vous parle de cette étude. On est tombé dessus avec Marion. 75% des couples mariés ne s'embrassent plus pendant l'amour. Alors nous, nous sommes outrés, hein, bien évidemment. En même temps, on n'est pas mariés, hein, ça se trouve, on changera d'avis. Hein. Oui, mais bon, Thibaut, à l'arrière, t'as fait combien de temps que t'es en couple avec ta meuf? Ça fait 2 ans, un peu plus. Et ben, ouais, bon, 2 ans, c'est vrai que si tu t'embrasses plus au bout de 2 ans... C'est peut-être qu'au bout de 10, 15, 20 ans, voilà, tu vas te dire droit au but, quoi, t'en as marre de... Tu crois que tes parents, ils se roulent des grosses pelles quand ils... Ah mais ils ne s'embrassent jamais, mes parents. C'est Je les ai jamais vus s'embrasser. Pour moi, ils sont asexués. Non mais et tu, si t'es là, tu te doutes bien qu'il y a eu un délire. À l'époque oui, mais là aujourd'hui, mes parents, pour moi, ils ont pas de vie sexuelle. Enfin, je leur souhaite, hein, mais je les ai jamais vus, ne serait-ce que se faire un smack. Ah bon ? Pourtant, ils sont hyper complices. C'est très bizarre. On dirait deux meilleurs potes qui habitent ensemble. Mais tu vois, moi par exemple, quand je rentre à Angers, la porte de leur chambre elle est ouverte. Genre, je sais qu'il peut rien se passer, quoi. Nous, on passe devant et tout, c'est sûr. Ah, la nuit, leur porte de chambre est ouverte. Tranquille. Ah ouais, c'est quand même donc, très étrange. Bah ouais, je sais, mais comme quoi, cette étude est peut-être vraie. Enzo, standard, ça fait combien de temps que t'es avec ta meuf? Ça fait 2 ans. D'accord, oui, bah, comme Thibaut en fait. Ouais. Donc, ouais, mais ça fait combien de temps que tu la connais? Bah, ça fait 7 ans, mais avec Thibaut, on s'embrasse tout. Ça fait 2 ans qu'on s'embrasse. Non, on est bien. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'avec ta meuf, il y a eu des ruptures, tout ça, mais en gros, ça fait plusieurs années que t'es avec elle. Est-ce que tu l'embrasses toujours autant qu'avant? Un peu moins. C'est vrai qu'on s'embrasse moins. Bah oui, pendant l'amour notamment. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est la lassitude qui fait ça. À mon avis, t'as envie d'aller droit au but. Tu te fais plus chier, quoi. On se check parfois pendant truc horrible, quoi. C'est bizarre, mais on se check un peu. C'est tellement gaulerie. T'es con. Il y a Juliette de Lyon qui nous a appelé. Bonsoir, Juliette. Bonsoir, Anto. Bonsoir, Marion. Bonsoir, toute l'équipe. Salut. Salut, Juliette. Ça va? Ça va, merci. Ça va. Bon, alors dis-nous tout de toi. Quel âge tu as? Est-ce que tu es en couple? Moi, j'ai 24 ans et oui, je suis en couple depuis 3 ans avec mon mec. Et ce n'est pas que pour les couples mariés, mais moi, je ne suis pas mariée et pourtant, je ne l'embrasse jamais. Jamais. Ah bon? Jamais. Mais comment ça, jamais? Même pas un bisou pour vous dire bonjour? Bah, un smack, oui, mais moi, je ne l'embrasse jamais. Ah, j'ai de tellement langue. Si tu veux, on m'a tellement dit que j'embrassais mal avant. Oh, et du coup, maintenant, bah, voilà, je n'embrasse plus jamais. Oui, mais enfin, Juliette, les choses ont quand même évolué dans ta vie. Si t'es avec quelqu'un, ça fait combien de temps que t'es avec ton mec, tu as dit? 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans quand même. Vous êtes embrassé un peu au début, c'est qu'il a bien dû kiffer. Non. Non, mais chérie, il faut jamais. Il faut jamais rester sur une défaite, tu vois. Il faut toujours remonter à cheval, c'est ce qu'on dit. Donc c'est pas parce que 2-3 mecs t'ont dit que ça le faisait pas, c'était peut-être avec eux l'alchimie passait pas. Mais voilà, c'est quand même un kiff d'embrasser son mec, et je pense que ça va lui manquer au bout d'un moment. Donc il faut peut-être te faire violence, hein. Ouais. Mais je sais que t'allais dire les 5 techniques pour embrasser bien, donc on verra ce que ça donne. Dis, écoute, Juliette, je les ai devant les yeux, je les ai pour toi. Tu veux la première technique? Ah ouais. Juliette, il faut que tu utilises absolument ta langue comme il faut. C'est-à-dire, tu commences d'abord par passer ta langue sur ses lèvres, tu effleures sa langue et tu vois comment ça réagit. En gros, l'idée, c'est plutôt de la caresse de langue, la caresse de lèvres. La meuf se chauffe. Mais je comprends. Pas une soupe de langue, quoi. Voilà, c'est ça. Et on tourne pas la langue comme ça autour de l'autre, comme quand on faisait ça quand on avait 14 ans. Ça ne marche pas. Ok. Donc tu fais ça. Et surtout, quand tu mets la langue dans la bouche de ton mec, tu laisses pas la langue comme ça. Tu fais quelque chose, quoi. Bah oui, on va pas rester statique. Ouais, écoute, c'est ce qui est marqué. D'accord. Hein, donc, je lis bêtement. Je t'écoute. La deuxième technique, Juliette, c'est il faut absolument éviter de lui toucher les dents. Bah oui. Hein, parce que c'est quand même très, très gênant, tu vois. Voilà. Ça peut être récurrent. La troisième technique. Qu'est-ce que c'est que cette technique à la con? La troisième technique, c'est qu'il faut surtout pas que tu oublies de respirer. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais Anso, excuse-moi, t'as bossé combien de temps pour ce... Ça vous est déjà jamais arrivé? Moi, je sortais avec un mec qui s'appelait Damien au collège, j'étais en troisième, et on s'était retrouvés derrière une salle pour trouver des pelles, et ben, il respirait pas. Ouais, mais ça, c'est quand t'es jeune. Tu te mets tellement la pression, t'es là, et c'est comme un petit record là que tu fais. Donc tu veux tenir le plus longtemps possible, et t'es en apnée. Franchement, ils disent que les roulages de pelles comme ça, à l'infini, ça peut même mener à l'évanouissement bien si vous ne respirez pas. Oui, ça se voit souvent. Les gens qui se roulent des pelles, et bim, ils tombent. C'est très courant. Hein. Juliette, ensuite, la quatrième technique, c'est qu'il faut absolument que tu contrôles ta salive. Hein, ah. On évite de baver. Ah ouais. T'évites de baver. Mais comment tu fais? Faut que vous êtes comme les dentistes, l'aspirateur. Ouais, c'est vrai. Comment tu fais pour contrôler ta salive? Bah, ça c'est... Bah, non, mais je pense que ça va avec le premier conseil, pas trop de langue. Parce que si tu mets trop de langue, tu vois, la salive, forcément, elle est plus abondante. Alors que si tu caresses gentiment, que tu sors, tu détaches ta bouche de l'autre et t'y retournes, et ben là, normalement, ça va. Non, mais personne ne bave à outrance non plus. Si, si, si. Mais non. Si, il y en a. Enfin. Mais si, il y en a. Et tu te retrouves avec de la bave autour de la bouche et tout. Si, quand t'es jeune, Anso, je te jure. Bah, écoute, moi, j'ai connu un mec qui respirait pas, mais pas qui bavait beaucoup. Et enfin, Juliette, la dernière technique, c'est il faut absolument utiliser ses mains. Alors, ah, c'est oui. Pareil. Moi, j'étais sortie avec un mec qui faisait jamais rien de ses mains. Il restait comme ça, bras ballants. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les mains, c'est hyper important. Caresser le visage, mettre autour de la taille, tout ça, c'est indispensable. Le cou, là, c'est hyper doux, là, dans le cou, sous l'oreille, c'est hyper, hyper mignon. C'est vrai que t'as l'air con quand t'as les bras comme ça qui tombent et que tu fais rien avec, c'est très mauvais. Bah, c'est le sentiment que t'es pas à l'aise, quoi. Bon, Juliette, d'accord. Quand t'écoutes tout ça, est-ce que t'as l'impression de suivre ses conseils? Tu sais quoi, je m'en souviens plus tellement ça fait longtemps. Ah non, mais là on va te donner des devoirs, hein, c'est les devoirs du night show. Tu vas raccrocher avec nous et tu vas aller rouler une grosse pelle à ton chéri. Alors Juliette, il y a Thibaut à l'arrière qui a aussi une technique, c'est quoi ta technique? Non mais faut absolument penser à fermer les yeux. Ah oui, genre... bah oui. Ah non, mais moi je suis pas d'accord. Mais si. Bah non, quand t'embrasses quelqu'un, parfois t'aimes bien ouvrir les yeux. Non, ça fait psycho. Mais non, mais t'ouvres pas les yeux en grand, évidemment. mais non, mais tu sais, ce moment où t'approches de la bouche de l'autre et tu gardes un peu les yeux ouverts, tu partages un moment comme ça de complicité et tout, quoi. Non, mais à partir du moment où les lèvres se touchent, on ferme les yeux. Sinon, c'est angoissant pour l'autre, je te jure, tu vois des yeux qui louchent en face de toi là, c'est non, bah oui, mais je suis pas d'accord avec vous. Bon, et ben Juliette, tu choisis si tu gardes les yeux ouverts ou pas, mais en tout cas, tu vas embrasser ton mec. Fermés, d'accord. Et je veux que demain, on te prenne au bonsoir ou au dimanche si tu veux, si tu te sens pas ce soir, mais je veux que tu nous racontes comment ça s'est passé. Ok, j'ai la pression là. Et Juliette, tu te filmes, hein? Non! Et on refera un visionnage sur la chaîne YouTube. Et tu n'oublies pas de te toucher en même temps, hein? Sur enchère de fou. Non, ma biche, on rigole évidemment, mais s'il te plaît, fais-le parce que ton mec, je te jure, il en a besoin aussi, quoi. C'est hyper important et je pense que tu vas te surprendre. Tu vas kiffer. Ouais. Mais oui. Allez, fais-le. Juliette, allez, on t'encourage. Juliette, Juliette, tu nous rappelles dimanche, d'accord? Ou demain? D'accord. On t'embrasse, madame. Merci beaucoup, les filles. Gros bisous, je vous adore. Bisous. J'ai l'impression qu'on l'a un peu traumatisée, la Juliette. Mais non, on l'a motivée. Il y a Lucas à Bordeaux. Bonsoir, Lucas. Oui, bonsoir toute l'équipe. Oh, salut. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Alors, à Bordeaux, est-ce qu'on embrasse ou on n'est pas trop porté sur le dossier? Alors, moi, je suis complètement dans les 25%. Moi, je conçois pas du tout de pas rouler des pelles à ma copine. Ouais. Donc, du coup, non, moi, je suis complètement d'accord avec, mais avec toi, du coup. Ouais, oui, voilà, c'est avec vous par rapport à ça, quoi. Moi, voilà, même que ce soit dans, alors voilà, c'est forcément avant. De faire l'amour, je trouve ça tout à fait excitant. Ça, voilà, c'est dans le jeu, c'est dans le truc, quoi. Alors là, je pense que ça va pas être du tout pour embrasser ma copine pendant l'amour. Quoi. Alors Lucas, clair. Est-ce que t'es pas d'accord avec moi? Mais même il y a parfois des baisers qui sont même plus intimes que quand ça va plus loin, tu vois? Tu te donnes, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, complètement. Alors voilà, au début, forcément, on y va pas franco. Enfin, c'est assez, voilà, c'est quitter un jeu, quoi. Mais ça, je vois pas du tout y aller directement. Enfin, j'imagine même pas, quoi. Le bisou, c'est ce qui permet de savoir si ça peut coller, s'il y a une alchimie, parce que c'est vraiment révélateur, ça. Hein. Si ça passe pas au niveau du bisou, c'est que le reste, à mon avis, ça suit pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, sauf dans le cas de Juliette, qui a priori, ça se passait bien sexuellement, mais pas au niveau du bisou. Mais en général, franchement, c'est hyper révélateur. Lucas, t'as un conseil à Juliette pour Juliette ou pas à toi? Bah après si voilà ça fait un moment qu'elle a pas du tout qu'elle est complètement bloquée par rapport à ça, ouais, effectivement commencer peut-être par juste des petits bisous et comme tu disais juste sortir un peu la langue et voilà que ça aille pas beaucoup plus loin, qu'elle voit un petit peu si elle peut aller plus loin après, quoi, disons qu'elle essaie déjà par là, commencer vraiment tout doucement, quoi, en gros, et après tout à fait, utiliser effectivement comme vous disiez tout à l'heure, utiliser les mains. Parce que c'est vrai que forcément, bras dans du corps, genre, je fais un test, juste pour voir si ça va. Non, il faut que ce soit, entre guillemets, naturel, même si ça risque d'être dur pour elle, c'est longtemps. On est tout à fait d'accord avec toi, mon Lucas. On te remercie beaucoup de nous avoir appelés. Bisous, Lucas. De rien, merci à vous. Bisous, bonne soirée. Bisous, ciao. Il y a Théo aussi à Nancy. Bonsoir, Nancy. Bonsoir, les filles. Ça va. Bien, merci. Dis-nous. Alors, moi, je ne conçois pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu ne conçois pas? D'embrasser ou de ne pas embrasser? D'embrasser. Ah bon? Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Ah attends, c'est tu fais une relation sexe avec ta partenaire, moi je suis juste la bouche, elle te sert à faire l'appellation. C'est tout. Oh non, mais quelle horreur. Théo, ça va pas ou quoi dire des trucs pareils? Mais on n'est pas des animaux, Théo. Attends, t'imagines, elle t'embrasse après avoir fait une fellation. Et alors, où est le problème? Ah bah je conçois pas. Bah mec, si t'es sale, c'est ton problème, mais tu sais, en général, ça pose aucun souci, en fait. Hein. Mais c'est toi, en plus. Elle fait pas une fellation à ton pote et après, elle te roule une pelle. Ah non. Il faut pas dire ça parce que c'est hyper important. Après, les filles, elles complexent, tu vois. Elles se disent, ouais, je peux pas aller embrasser et tout ça. Il faut être décomplexé dans la sexualité. Et franchement, ça fait partie du jeu, tu vois. Peut-être qu'on peut avoir parfois de mauvaises surprises, mais en général, tu sens rien du tout. T'es dans le feu de l'action, t'embrasses avant, après, on s'en fout, quoi. Ah ouais, mais non, mais moi, je m'en fous, je me lave. Mais voilà, t'imagines, la personne, elle se lave pas. Bah oui, mais bon, il y a peu de gens comme ça. Et puis, bah, au moins, ça leur sert de leçon, quoi, si ça leur arrive, tu vois. Non, puis Théo, si tu commences à trouver des trucs sales dans le sexe... Mais ouais, t'es piqué, pas fou. Hein. Non, Théo, il faut embrasser. Après, t'as le droit de préférer le sexe sans bisous. Hein. Oui. T'es pas le seul. Hein. 70% des couples mariés le font. Donc, Mais essaye, Théo, franchement, essaye. Va au-delà de ta peur. Oui. Et tu verras que c'est cool. Bon, voir, ça peut être marche. Bon, alors ce que tu fais, c'est que tu nous rappelles dimanche, tu te filmes et on fait un petit débrief. Théo, on t'embrasse très fort. Bisous, Théo, merci de nous avoir appelés. Bisous. J'ai bien envie de demander à Pépère de l'équipe s'il embrasse, lui ou pas, pendant l'amour. Bah, Pépère, non, il trouve ça dégueulasse. Il embrasse pas, c'est pas possible. Hein. Mais pourquoi? Bah, ça se fait pas d'embrasser sa mère. Bah, vraiment, bah oui. Bon. On va accueillir Adrien Thomas qui va débarquer pour Party Fun. Bonsoir, Adrien. Hello. Est-ce que t'as un avis, toi, sur le roulage de pelle, tout ça? Moi, je suis totalement pour. Ah voilà, ça m'étonne pas de toi. Hein, ah ouais, le baiser. Toi, t'as une tête. T'as une tête à ça, quoi. J'ai une tête à quoi? À emballer? À bisous, ouais. Ouais. Ouais. Bon, ouais, t'as une tête à tout, en fait, globalement. Vas-y, va au bouffon de ta pensée. Non, mais je veux dire, il y a très peu de tabous. Franchement, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. T'as une tête à tout. On n'a jamais fait ce compliment. Mais t'as une tête à tout. Mais je vois ce qu'elle veut dire. En fait, avec toi, tu sens pas le tabou, quoi. Ouais. On sent on peut y aller sans problème. Ouais. Ouais, non. On y va. Il y a des limites, hein, quand même, à un moment. Hein. Oui, mais pas beaucoup. Truc, on s'arrête, quoi, devant. Il hein. y en a peu. On ouvre pas la porte, quoi. Mais ah, voilà, d'accord. Oui. On comprend bien ce que tu veux dire. On est open quand même. D'accord. Bon, Adrien Thomas pour Party Fun jusqu'à 1h du mat. Juste avant de vous quitter, qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée, l'équipe Marion? Moi, j'ai retenu qu'il fallait surtout penser à respirer pendant qu'on embrasse. Très bon conseil, Anso. Très belle recherche, je te félicite. Amir des réseaux sociaux. Moi, j'ai retenu que Marion n'avait évidemment pas de potes pendant son enfance. Ah, la pauvre. D'accord. Thibaut à l'arrière, il t'a retenu quoi, toi? Moi, j'ai retenu qu'il y avait Black M qui venait demain et là, je suis méga impatient. Ah ouais, le Black, wow. Il sera là, ouais. Enzo standard. Moi j'ai retenu que Thibaut au restaurant il se faisait toujours boycott par les serveurs. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Moi j'ai retenu que j'avais du mal à capter les punchlines, hein, globalement. Ouais. Et tiens, je serais curieuse de demander à Yannick au standard, t'as retenu quoi de cette soirée, toi? Mais que les auditeurs de la soirée sont vraiment ouf. Oh là là, mais lèche-cul 2000. Bon, on vous l'a dit. Il est bon. On vous l'a dit à 2 secondes. Black M sera notre invité demain soir. Ouais. Et on a un gars qui s'ambiance tout seul dans le studio. Il est magique, c'est notre auteur Béric. Black M, en tout cas, il fera un live du titre Je suis français, bien sûr. On lui a préparé plein de surprises de ouf. Franchement, on va vraiment s'éclater. Soyez là, ratez pas cette émission demain. On sera direct dès 22h. Marion et Anso. Demain, rendez-vous avec Bruno dans la radio à partir de 6h du mat. Et puis on se quitte bien sûr en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Safe distance from receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Fun. Dance. Electro. Adrien Thomas. Mix. Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Bonne soirée sur Fun Radio, bienvenue jusqu'à 1h en direct comme tous les soirs. On se fait plaisir avec Party Fun, avec vos voix chaleureuses. Waouh. Alors ce soir, j'ai le nouveau sac Noël, qui est sorti en mai dernier, mais qui est nouveau pour nous. Hein. Donc voilà, rendez-vous tout à l'heure. Bah oui, c'est vrai que c'est un morceau qui est sorti avant l'été et qui arrive en France maintenant. Ah d'accord, c'est marrant. C'est un morceau qui a tourné tout l'été dans le monde entier. Et nous, on va commencer à l'aimer maintenant. Moi, je ne cache pas que moi, je l'ai découvert en fait il y a 2 semaines. Ah, et alors qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup, ça donne encore envie de guincher. Et oh d'être au bord de la plage. Cimetière des mots, ça, on n'utilise plus guincher. Hein. Si. Non. Si, si, si, ça va. Oh, hey. Après minuit, on utilise guincher. D'accord. Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Hein. Certes. Il y aura aussi le nouveau Sam Feld, Mike Perry. Ah, j'adore Mike Perry. Sage Geo Science. Hein. Ouais. L'anglais, je vous jure, c'est une tannée. Le autant, gars qui est démissionnaire. Autant, c'est ça en direct, le mec qui lâche l'affaire. Non, mais autant en interview, bon, vous avez vu, je suis pas dégueu. T'es bon, t'es bon. Mec, non. Mais pour les titres. Des artistes, c'est un peu compliqué. Donc Mike Perry avec The Ashen dans un instant. Et on démarre avec Sigala et Give Me Your Love. See you tomorrow. Bisous, bye. Bye. Kiss. Maybe selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. My life. no reason to repent. Each other, the night was warm, we were bold and young. All around, the wind. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I